Mon instance. Voilà. Oui, bonne idée, Pierre. Mmh. Ce que... Oui, alors, la petite image qui est également sur l'annonce que vous avez peut-être vue sur le carnet Philologie Avenir, qui nous sert de point de contact, en plus de la liste Digital Humanities. Tout cela est connu, au moins la liste de tous. C'est le meilleur canal pour avoir les informations. Voilà pourquoi je le mentionne. L'image que j'avais choisie, c'est celle qui est une des couvertures, une des quatrièmes de couverture du catalogue dont nous parlerons, du Whole Earth Catalogue, qui est aussi quelque chose qui nous emmène directement dans le sujet. Vous avez une belle image, un peu pastorale, avec quand même des fils électriques. C'est très joli. On a en même temps quelque chose qui, dans nos catégories, mettons, françaises actuelles et très New Age, je n'historicise pas ça. Ce n'est pas une belle image de la NASA comme sur les premières de couverture du même catalogue, mais on voit bien l'idée. Ça pourrait être le générique de Dune ou de toute autre épopée de ce genre aussi. Et un slogan, Stay Hungry, Stay Foolish, que j'avais choisi parce que Steve Jobs avait dit, peu de temps avant de disparaître, que c'était sa grande devise et qu'il le reprenait du catalogue. Donc ça, c'est pour mettre ça de plein pied, non pas avec l'histoire des technologies ou l'histoire sociale des technologies ou l'histoire intellectuelle, mais avec ce que nous vivons tous, à savoir la société numérique. Voilà. Et ça, c'est la version brève de la justification de cette séance, en un sens. Comprendre de quelle manière le projet de faire des sciences humaines et sociales par des moyens numériques s'inscrit dans ce cadre beaucoup plus vaste, et c'est-à-dire est à l'intérieur d'une tradition, déterminée, avec des impensés, avec des héritages, et ces héritages sont justement, pas pour les sciences humaines et sociales, mais pour la société numérique et la réflexion numérique, ce que Fred Turner veut étudier. Quel héritage de l'époque où Stuart Brand, qui est le héros de ce livre en quelque sorte, commence son activité. Je voulais en ouverture vous montrer, donc là vous avez les références que vous connaissez, le point de départ de la séance, c'est simplement qu'il y a eu cette traduction française l'an dernier, et que ça a été une bonne idée. Alors, ça a semblé une bonne idée. J'ajoute juste que c'est une bonne idée, mais Hervé Le Crenier m'a confirmé que le livre se vendait très très peu. Très peu. Ouais. Ce qui est quand même ce que je trouve vraiment très étonnant et assez dommage en fait. Ah, d'accord. Donc, quel prix? C'est vrai. 9 euros. Parce qu'ils ont fait un paperback qui est très peu cher, ouais. En fait, en anglais. Je sais pas ce que ça veut dire, en fait. C'est une version non reliée, quoi. Oui, tout à fait. Souple. Ouais. Bon. Alors, la séance, donc, je vous l'ai dit, une petite introduction qui est presque bientôt finie. Un aperçu du livre, je n'ai pas appelé ça un résumé, parce que, bon, au-delà de la topique habituelle de tous les comptes rendus, toutes les discussions, nous ne pourrons jamais épuiser le sujet, c'est très vrai pour ce livre-ci, qui est un livre très précis d'histoire, en même temps qu'un livre de réflexion qui a une perspective très large, une vraie thèse, qui fourmille de notes, de références. Et puis, je le dis tout de suite, parce que je ne sais pas si nous pourrons le dire après, un très bon exemple d'une recherche qui est probablement difficile à imaginer dans d'autres pays, ou parfois en France, pour la raison que, comme Turner le rappelle au début dans son introduction, ça repose sur une université américaine riche, où il a eu de très beaux moyens pour travailler, et où, notamment, tous les documents personnels de Brandt ont pu être rassemblés, numérisés, catalogués, étudiés par des équipes entières d'assistants et de bibliothécaires qui ont permis à Turner de travailler et de préparer son histoire. Avec de plus l'accord direct de Brandt en question, qui est tout à fait vivant et actif, qui a contribué à cette forme d'histoire dont il est l'objet en même temps. Donc c'est intéressant. Je ne dis pas que c'est impossible et que c'est tout à fait unique, mais c'est presque typique d'une recherche de ce genre au long cours dans le cadre d'universités américaines en liaison avec la bibliothèque qui achète des fonds. Ça n'est pas si facile dans beaucoup d'autres pays. La partie qui suscitera la discussion, et c'est vraiment là qu'il y a notre conscience réflexive en éveil, vous allez voir tout de suite pourquoi je parlais de séance critique, c'est le rapport entre cette utopie numérique, c'est le terme qui a été pris pour la traduction française, mais c'est bien le thème du livre américain, et les Digital Humanities. Ceci, beaucoup d'entre vous le reconnaissent sans doute, Ah bon, j'ai mis les jambes, c'est vrai. c'est la fameuse démonstration, la première grande demo, qu'on appelle parfois la mère, la matrice de toutes les démos informatiques, par Douglas Engelbart en 1968. La date n'est pas anodine et elle nous met directement dans notre sujet aussi. Engelbart fait, devant un certain nombre de personnes de différents milieux, une démonstration en direct où il introduit directement pour la première fois un certain nombre de choses qui étaient encore dans les laboratoires, notamment la souris. Donc directement quelque chose qui est devenu un objet auquel nous ne réfléchissons plus beaucoup lorsque ce n'est pas directement notre travail. Le travail collaboratif sur du texte à distance. Et là, on est aussi dans le réseau et dans le travail collaboratif et dans toute l'idéologie, pour le meilleur et pour le pire, que ça implique. Et bon, je ne commente pas ça en détail. Ce que je veux dire simplement, c'est que ça va beaucoup frapper à la lecture du livre, ce petit détail. Cette image, vous la connaissez. Eh bien, Stewart Brand, qui est l'objet de ce livre, il n'est pas sur l'image. C'est lui qui tient la caméra. Et ça, c'est très intéressant, aussi à titre de métaphore, si vous voulez, parce que, j'en parlais avec Pierre, il n'est pas un anonyme, ce n'est pas un spectateur de cette démo, mais il n'est pas devant l'écran non plus. C'est celui qui tient la caméra, qui permet tout cela, et qui vraiment fonde dans ce genre de projet toute la dimension de réseau qui permet que ces technologies numériques s'inscrivent dans différentes... comment dire, dans différentes franges de la société et dans ce qu'on va commencer à appeler justement des communautés. Et je dirais que la méthode de Turner, c'est cela, hein, en grande partie, c'est à travers Brandt et puis tout ce qu'on peut constituer de son parcours, de ses façons de travailler, de voir quels sont les réseaux qu'il met en contact, du monde de l'entreprise, du monde de la recherche, du monde de la contre-culture, du monde de l'université, donc j'ai dit la recherche, et de quelle façon tout cela s'interpénètre, non pas naturellement, mais parce qu'il y a des hommes qui ont cette activité de faire entrer en contact des personnes, des objets, on va le voir. Ça, c'est la méthode sociologique de Turner, de retourner les choses et de voir les réseaux à travers des individus. Et je dirais aussi, fin de cette rapide introduction, que c'est pour nous un moment de réflexivité du séminaire, comme je disais tout à l'heure, dans la mesure où il s'agit de voir aussi notre contexte historique, tout ce qui n'est pas sur le devant de l'écran d'habitude dans nos séances, et les enjeux culturels, politiques, que nous abordons parfois dans nos discussions, mais qui ne sont pas au cœur de nos séances habituellement. Alors s'il faut... Est-ce que certains d'entre vous ne connaissent pas du tout le livre? Ce qui est tout à fait possible et normal, cette séance. Voilà. S'il faut le dire en 3 minutes, et puis ensuite avec le sommaire en 10 minutes, mais d'abord en 3, d'abord en 2, ce livre parle de... Alors, non pas simple, part de plusieurs idées. La première, c'est un constat connu. Ça devrait être une banalité pour nous tous. La construction de la société numérique, qui est la nôtre, alors ce nôtre, c'est peut-être le monde occidental et un peu au-delà, c'est un peu compliqué, mais la société numérique et l'Internet n'est pas seulement une histoire technologique, c'est aussi une histoire sociale. Bien. Jusque-là, ça ne nous fait pas sauter au plafond. Il faut voir en même temps que ce que suppose une affirmation comme celle-là, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup dans le séminaire, et puis qui m'intéresse personnellement, c'est qu'il y a un entrelacement entre l'histoire intellectuelle, l'histoire culturelle, l'histoire des idées, et puis les bases matérielles à travers la technologie. Une véritable matérialité de tout ce qui permet ces évolutions culturelles. Bon, mais là, ce sont des évidences dans une salle à l'EHESS à 14h en octobre, c'est normal. En revanche, là où Turner va plus loin, il explique, c'est sa thèse, que cette histoire sociale n'est pas, comme on le dit souvent, un accaparement, une récupération des technologies et des idéologies par la politique, l'armée et l'industrie. Il ne s'agit pas d'un mouvement très simple qui serait l'évolution depuis les hippies jusqu'à Steve Jobs, précisément, ou bien, à travers le parcours de Stewart Brand, de quelqu'un qui commencerait par être dans des communautés dans le Far West réinventé, pour ensuite aller à la Maison Blanche et gagner beaucoup d'argent, en reniant sa jeunesse, par exemple. Il devient plus âgé, il est américain, donc voilà son parcours. Alors, cette image d'Épinal, c'est justement ce qu'il veut détruire. Et il le fait de manière très efficace et très frappante. Au contraire, il y a une interpénétration des milieux, et le parcours de ces individus est complexe. Alors, comme nous ne sommes pas historiens des États-Unis, spécialistes de tout cela, y a sans doute beaucoup de fils culturels qu'il faudrait ajouter à cet écheveau-là, et regarder plus précisément dans le livre, comme la pensée libertarienne, par exemple, pour voir très précisément ce que ça signifie pour eux. Mais comme notre question est à la fois de tracer le portrait à grands traits et de poser la question de notre situation à nous, je pense qu'on peut se permettre ce genre de simplification, que ça reste intéressant. Donc, pour le dire avec des images, cette fois, la thèse, c'est que le monde des hippies, coloré, 68 à l'époque aux États-Unis et ailleurs, ne s'oppose pas simplement à un monde gris de technocrates qui cherchaient à contrer, comme leur contre-culture, et qui finalement se serait imposé à eux ou les aurait conduits à s'assimiler à eux. Au contraire, on a une implantation sociale des industries culturelles numériques qui ne vient pas de nulle part, et donc Bill Gates, Steve Jobs sont mis dans une perspective historique, en quelque sorte. Et c'est là que je fais un pas de plus, et que ça n'a plus rien à voir avec Turner et que c'est notre séance, les humanités numériques doivent aussi réfléchir à ce qu'elles doivent, à ces deux pôles de cette histoire, à savoir le pôle technocratique, mettons, qui a directement une visée politique, militaire, industrielle, etc., et puis le pôle de la contre-culture. Dernière remarque, pourquoi cet ouvrage est important aussi, c'est que ça permet de donner plus de poids, de réfléchir autrement à l'adjectif numérique dans l'expression « humanité numérique », pour moi. Et par ailleurs, pour moi, ça donne également du poids à ce qui me semble le meilleur argument pour employer une expression comme « humanité numérique » et pas « digitale », comme on commence à entendre par exemple, c'est simplement que nous n'avons pas le choix, dans la mesure où ce paradigme-là, numérique, les téléphones, les télévisions, tout ce que l'on veut, le cinéma est numérique, on ne dit pas digital pour ça, et il s'agit surtout, quels que soient les mots ensuite, de faire entendre la résonance avec une tradition, déjà, et avec les formes sociales qui accompagnent la diffusion de ces technologies. Voilà. Bon là, je lance une idée, mais qui est un fil récurrent du séminaire. Alors pourquoi cet ouvrage est important pour nous ? Au-delà des Digital Humanities et pour les Digital Humanities, j'ai dit un peu pourquoi ça me semblait évident. Pierre, qui l'a suggéré d'abord, peut peut-être en quelques mots dire pourquoi c'est important pour toi, donc, et quelles sont les résonances, parfois déjà vues par Dominique Cardon, le préfacier du livre dans la version française, et qui te cite d'ailleurs. Oui, il cite les maîtres du réseau. Oui, je t'assure. Et avec d'autres ouvrages. Ok. Oui, effectivement, sur cette première partie, je voudrais juste avancer quelques idées, quelques propositions. D'abord, effectivement, un avertissement. Ni Aurélien ni moi, nous ne sommes spécialistes de cette histoire, en particulier pas de la période cybernétique, ni d'autres de ces moments. Et ce qui nous intéresse plutôt dans cette séance, c'est d'essayer de discuter quelles sont les résonances et pourquoi ce livre nous perturbe, nous touche, nous fait faire réflexion, en particulier sur les humanités numériques qui sont le sujet de ce séminaire. Donc moi, personnellement, je suis tout à fait ravi qu'il y ait dans la salle des personnes qui sont plus spécialistes que nous de cette histoire et de ces périodes, parce que toute la période de discussion qui va avoir lieu en secondaire va être très riche, donc n'hésitez absolument pas. Alors, un certain nombre de points qui ont fait que, pour moi, ce livre est important et que j'ai souhaité qu'on en discute dans cette séance. La première, c'est, tu l'as dit, donc je ne vais pas m'étendre dessus, c'est effectivement qu'il permet de passer d'un lieu commun du développement historique de l'Internet comme étant celui d'une trahison, d'une évolution depuis des milieux académiques ou une source ou une origine académique avec un certain nombre de valeurs qui sont incrustées, on va dire, dans le dispositif et qui viennent des milieux académiques et qui sont trahies par la commercialisation, par l'implémentation et le développement des usages commerciaux d'Internet. Alors, qui est une histoire, si vous voulez, qui paraît, un récit qui paraît très naïf aujourd'hui, qui peut paraître très naïf aujourd'hui, mais pas plus tard que l'année dernière, il y a un ouvrage qui est paru et que je suis en train de finir de lire sur le sujet de Robert McChesney, qui s'appelle Digital Disconnect, et dont le sous-titre est « How capitalism is turning the internet against democracy ». Et c'est vraiment la thèse de McChesney qui consiste à dire « Internet est une sorte d'outil merveilleux, c'est porteur d'une forme de démocratie qui vient même des milieux académiques, liberté d'expression, égalité formelle, des points de vue, etc. Est perverti par le capitalisme pour en faire un outil de destruction de la démocratie, en particulier via les dispositifs de surveillance, d'asservissement que l'on connaît. Et ce que je trouve très intéressant, évidemment, dans l'ouvrage de Turner, c'est qu'il montre exactement le contraire. Il montre que cette histoire est naïve, fausse, que c'est un mythe, et que les ambiguïtés politiques que McChesney démontre ou met en avant pour la période contemporaine de l'Internet sont en fait présentes dès l'origine, et même avant Internet, puisque c'est présent dans le développement de des mouvements contre-culturels dès le début des années 60. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important et sur lequel insiste Cardon, qui fait une lecture très politique, en fait, de l'ouvrage. Je pense que Dominique Cardon fait une lecture plus politique de l'ouvrage que l'ouvrage ne l'est lui-même, mais en tout cas, c'est un point qui est important. L'autre point qui m'a vraiment intéressé, c'est du point de vue de l'histoire des idées, cette fois-ci, c'est cette manière qu'a Turner, et tu l'as dit, de entremêler les facteurs de développement d'une histoire et de cristallisation d'une histoire, en décrivant les différents milieux, les individus, les développements techniques aussi, la localisation précise, les rencontres. Et donc cet écheveau d'une histoire, en quelque sorte, qui se déroule, n'est pas réduite, et il n'y a aucun réductionnisme, et c'est ça qui est très très fort, je trouve, dans ce livre, n'est pas réduite à un fil ou à un facteur explicatif. Et j'avais oublié, en fait, qu'il insiste sur les conditions dans lesquelles il a pu faire sa recherche, et effectivement, on voit bien que les conditions dans lesquelles la recherche a pu être faite permettent de faire ça. Et parfois, les histoires monocausales sont peut-être dues à des facteurs, à des conditions de recherche qui sont trop pauvres, en fait, pour pouvoir faire autre chose qu'une histoire monocausale. Donc, et là, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. D'autres choses. Donc, du coup, comme il est sur une histoire d'entremêlement, en fait, de différentes dimensions des activités sociales, il y a au cœur de son ouvrage et de son raisonnement des notions capitales. Est vraiment importante, qui sont celles de zone d'échange, donc trading zone, qu'il reprend à Peter Galison, mais j'y reviendrai, d'objets frontières qui sont classiques en histoire des techniques, et il en propose une qui est celle de forum réseau, qui pour moi est un peu un équivalent de l'objet frontière ou de la zone d'échange, mais cette fois-ci dans l'entremêlement des communautés et des milieux sociaux. Et donc il montre comment en particulier le World Earth Catalog est un forum réseau où différentes communautés, ou différents, en tout cas, milieux sociaux se retrouvent, discutent ensemble et donc au sein d'un espace public, et en même temps font réseau et construisent un réseau. Autre point important pour Turner, me semble-t-il, le point de départ, en fait, de toute cette histoire, c'est bien la Seconde Guerre mondiale et ses conséquences. Alors, il y a un certain nombre de ces conséquences qui, pour moi, qui sont très connues et qui, pour moi, n'étaient pas très nouvelles. C'est comment, par exemple, la théorie cybernétique naît des besoins militaires de la Seconde Guerre mondiale, d'accord. Et là, par exemple, il y a une résonance qui est très forte avec, pour la France, en tout cas, l'ouvrage de Mathieu Triclot sur le moment cybernétique et comment la notion d'information naît au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Il y a une autre conséquence qui est la construction et la cristallisation d'un complexe militaro-industriel qui se crée au cœur de la Seconde Guerre mondiale et qui se développe dans les années 50-60, mais ça encore, c'est assez connu, en particulier avec le développement d'ARPANET, donc là encore, il n'y a rien de véritablement nouveau. Mais là, il y a quelque chose qui, pour moi, est nouveau, hein, je le dis très franchement, c'est comment l'organisation sociale, bureaucratique, et fordiste en quelque sorte prend une telle dimension au lendemain de la Seconde Guerre mondiale avec la construction d'organisations d'une telle dimension et organisée de tel point qu'elle génère ses propres contradictions et comment la contre-culture est justement au cœur de cette contradiction qui naît au lendemain de la Seconde Guerre mondiale avec d'un côté donc L'hyperspécialisation fonctionnelle, si vous voulez, qui est poussée à son maximum dans les années 50 et 60, et qui, du coup, génère sa propre antidote, qui est la naissance d'une contre-culture qui essaye d'inventer d'autres modes de relations sociales et une contre-société, en quelque sorte. Et donc, il y a cette ambiguïté-là qui est très forte et qui est, me semble-t-il, dans le bouquin de Turner, en tout cas, la conséquence directe des changements qualitatifs, en quelque sorte du saut qualitatif en matière d'organisation sociale qui est provoqué par la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. Donc ça, c'est assez important. Alors, avant-dernier point, évidemment, moi, le point qui m'a véritablement intéressé, c'est, si vous voulez, pour moi, le livre, je ne l'aborde pas par le début, mais je l'aborde par la fin, et évidemment, c'est la manière dont au milieu des années 80, il y a une intrication qui se fait avec les milieux d'affaires et en particulier avec le développement du capitalisme. Alors là, c'est évident, et évidemment Cardon le met très bien dans sa préface, qu'il y a une résonance avec le nouvel esprit du capitalisme qui est très fort. Le truc, c'est que nulle part, alors ça c'est intéressant, nulle part Turner ne cite le nouvel esprit du capitalisme, alors que son livre est une démonstration du nouvel esprit du capitalisme sur une histoire singulière. Et il est probable qu'il ne l'ait jamais lu, en fait. J'en sais rien, en fait. Je trouve ça vraiment très intéressant, parce que le nouvel esprit du capitalisme a été publié, les années 90, 95, quelque chose comme ça. Donc, assez longtemps avant le moment où Turner a écrit son ouvrage. Et il n'y a aucune citation. Alors, est-ce que c'est parce que, comme tout bon chercheur américain, il ne lit pas autre chose que, que les chercheurs américains? Je ne sais pas. Mais là, il y a un mystère et quelque chose que je trouve vraiment, vraiment intéressant. Par contre, il cite Castells et la société en réseau, ce qui me semble assez évident, etc. Alors, le dernier point, et là j'en ai fini pour les résonances un peu que ce livre m'inspire. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que évidemment, on voit, c'est une sorte de démonstration, d'exemplification du nouvel esprit du capitalisme et de la société en réseau, mais par une micro-histoire, donc l'histoire d'un personnage. Et ça, c'est vraiment intéressant, en particulier parce que c'est, si vous voulez, au niveau de cette micro-histoire et de la biographie des personnages, des personnes à proprement parler, que l'on peut comprendre quelque chose qui est très difficile à comprendre pour nous, Français, en particulier, c'est que les citoyens du réseau, les netizens, qui défendent la liberté d'expression, qui défendent de nouvelles formes de sociabilité, qui mettent en œuvre de nouvelles formes de sociabilité, eh bien, non seulement s'allient avec les marchands qui, tout à coup, font du business avec Internet, mais en plus, ce sont les mêmes. C'est-à-dire, ils se transforment en marchands. Et ça, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le comprendre si on ne descend pas au niveau microscopique du parcours individuel et de la biographie personnelle. Donc ça, je trouve ça assez intéressant et on peut pas, et c'est quelque chose qui va à l'encontre de nos cadres de pensée, surtout en France, où on a tendance à opposer une dimension politique militante, par exemple, à une dimension marchande, et où on voit que cette opposition, elle est totalement inopérante. En partie, et on ne peut le voir qu'en suivant le parcours individuel des personnes. Donc ça, j'ai trouvé ça assez fort, en fait. Et du coup, ça nous perturbe fortement. Bon, dernier point. Une des questions qui se posent dans les débats autour d'Internet depuis, on va dire, le milieu des années 90, une des questions récurrentes, un des débats politiques récurrents, c'est: est-ce que Internet véhicule des valeurs ou une idéologie particulière? Est-ce qu'il est le véhicule? Alors, en particulier, je me souviens bien d'un article publié par David Weinberger, qui était le créateur du Clue Train Manifesto, si certains d'entre vous s'en souviennent, qui avait écrit un article qui s'appelait « Value Free Internet », où il essayait de montrer comment, justement, Internet était porteur de valeurs de liberté d'expression en particulier, et ainsi de suite, par un raisonnement par l'absurde, en disant « Est-ce que Internet aurait pu être créé par des talibans afghans, par exemple ?» Quelque chose comme ça. C'est un raisonnement assez caricatural, mais... Moi, ce que j'ai bien aimé dans cet ouvrage, c'est justement qu'il montre que Internet n'est pas le véhicule des valeurs de ce qu'on pourrait appeler la société occidentale, à un moment donné, t'as dit nous, occidentaux, mais... Parce que ça, c'est trop large. Il n'est même pas le véhicule des valeurs de la société américaine, parce que ça, c'est trop large. Il est le véhicule des valeurs qui se sont développées dans la Bay Area au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est précis. Et là, il y a quelque chose, et il le montre bien dans certains chapitres, par exemple, en montrant comment, par exemple, l'organisation du tissu industriel dans la Bay Area, en réseau, avec des entreprises en réseau qui contractualisent de manière très très fluide entre elles, est quelque chose qui est traditionnel, en fait, dans la baie, depuis même le début du XXe siècle. Et donc là, il y a quelque chose qui est propre à la construction du tissu industriel de cette région-là, à cette période-là, qui se retrouve, en fait, dans la manière dont le numérique est pensé, est construit, est pratiqué, du coup. Et ça, c'est un fil, et il y en a plein d'autres comme ça, mais qui sont très locaux, qui sont très particuliers. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant de voir comment... Parce que, du coup, ça fait résonner avec l'histoire du développement des mouvements religieux, par exemple, dont on peut se demander, en particulier lorsqu'ils sont universalistes, jusqu'à quel point ils ne véhiculent pas des éléments culturels de leur point d'origine, avec, ils sont réinterprétés, redits, etc. Mais... Et donc, du coup, la thèse de Milad Douahi, qui compare la conversion numérique à une conversion religieuse, elle fait encore sens de ce point de vue-là. Donc voilà, c'était un peu les différents éléments. Ça me fait penser à quelque chose. Je ne m'étais pas posé la question dans ces termes, mais c'est vrai que si on se demande quel type d'historiographie il fait, je ne sais pas s'il faut appeler ça de la micro-histoire, mais en tout cas, ça s'inscrit bien dans un mouvement où on essaye de comprendre de grands mouvements par des portes très singulières, très particulières, et en l'occurrence par un retour aux archives, finalement. C'est un fonds d'archives qu'il étudie. Il le met en résonance avec les classiques de l'histoire de l'Internet, de l'histoire des technologies qu'il connaît, auxquelles il a participé depuis quelques décennies. Mais en fait, c'est ça qu'il fait. C'est un dossier singulier, un parcours qui permet de rectifier une certaine vulgate de cette histoire-là. Absolument. J'avais pas réfléchi au type d'historiographie. Ouais, mais du coup, c'est vraiment intéressant, je trouve. Alors, ce que je propose, c'est qu'on bascule dans le second moment. Comment on fait ? On fait une discussion à ce moment maintenant et on bascule dans un second moment. On fait un résumé rapide un peu du détail de l'ouvrage. En fait, avec Aurélien, on a trouvé qu'il y avait quatre périodes. C'est pas exactement structuré comme ça dans le livre, mais nous, on a pensé qu'il y avait. Plus, je vais remettre le second. Ouais. Mais on a pensé qu'il y avait quand même quatre grandes périodes qui étaient ce qu'on peut appeler le moment cybernétique, qui est une première période. C'est le sommaire avec les titres dans la traduction française et puis l'électro-original. Voilà, donc la première période, ça va être comment Stewart Brand découvre la contre-culture cybernétique, ou plutôt d'abord les théories cybernétiques avant de la contre-culture. Il y a un deuxième moment qui est tout le mouvement, le moment néocommunaliste, avec en particulier le développement du World Earth Catalogue, dont Aurélien parlera. Il y a un troisième moment qui est l'électronisation de ce mouvement, et c'est intéressant que la dimension technologique du numérique intervienne en troisième point, en fait, donc assez tard, avec la construction de la communauté virtuelle de Well, qui est très connue. Et puis il y a un quatrième moment qui est l'hybridation avec la dimension économique et marchande et le développement de la nouvelle économie et le rôle de Wilder. Donc on va aller très vite, mais on va quand même fixer ce qui nous a semblé important de ces quatre moments de ce parcours biographique de Stewart Brand. Il le dit lui-même en annonçant le plan de son ouvrage. En réalité, il sait très bien que pour que l'ouvrage soit lisible, on ne peut pas présupposer non plus que les gens ont le même arrière-plan de littérature secondaire, ce qui fait que ceci, c'est une introduction. Bon, à travers la notion de métaphore, donc les termes qu'on emploie, c'est important, l'imaginaire qui va avec, parce que c'est aussi l'histoire de l'imaginaire culturel, une introduction au développement de la pensée computationnelle, on peut dire, et de ce qui la permet. Là, on a vraiment le moment où l'informatique devient personnelle, ce qui socialement est évidemment un moment absolument essentiel, et toute sa thèse, c'est justement que tout ne se produit pas là. Ça catalyse beaucoup de choses, tout se transforme, mais tout ne se produit pas là, comme on peut le penser parfois. Donc ça, ce sont des chapitres qui, en quelque sorte, offrent un arrière-plan au chapitre plus détaillé que Pierre vient de résumer. Et le dernier est une sorte de résumé, de position forte de sa thèse aussi, sur ce que c'est que le mode réseau et la pensée du réseau omniprésent dans nos sociétés, mais on ne sait plus quel est le nom, qui a donc des racines dans toute cette histoire. Voilà. Donc ça correspond à ces parties historiques, disons, ce qu'on propose de parcourir... Assez vite. Donc, je vais commencer avec ce premier moment qui est le moment cybernétique, en évidemment en n'entrant pas dans le détail, mais en pointant les éléments forts en fait qui fait ressortir. Donc c'est des points en quelque sorte. Le premier point, c'est le RadLab, Radiation Laboratory du MIT, qui est créé donc en 1940 au moment de la guerre, et qui est significatif du développement d'une méthode de travail à l'intérieur des milieux scientifiques très particulière et assez différente de ce qui se passait avant, qui est une méthode de travail non hiérarchique et par association libre entre des scientifiques issus de différentes disciplines et surtout et des ingénieurs orientés vers un but commun de réalisation de systèmes de défense. Et donc, il y a là, alors évidemment, cette méthode de travail, c'est là que la notion de trading zone est théorisée par Peter Galison, mais elle est très importante parce qu'évidemment, on a là un modèle d'organisation et de relations de travail qui est différent de ce qu'on connaissait jusque-là et qu'on va retrouver à toutes les étapes, à tous les niveaux, dans tous les champs d'application par la suite. Donc là, il y a un point qui est en commun. Qui est important. Deuxième point, c'est la théorie cybernétique elle-même qui se développe en particulier dans ce laboratoire avec Norbert Wiener et Julian Bigelow qui crée le Predictor et qui modélise, en fait, qui permettent la modélisation du comportement humain à l'intérieur d'un système qui est à la fois mécanique et humain, en fait, hein, puisque c'est les systèmes de direction de batterie antiaérienne en particulier l'invention de la notion de boucle de rétroaction négative qui permet de modéliser ce couple-là mécanique et humain dans une interaction qui est particulière. Alors le point sur lequel Turner insiste, c'est que il y a une signification politique en réalité de cette théorie. Une signification potentiellement politique en tout cas, puisqu'elle peut permettre de théoriser aussi bien l'asservissement de l'humain à un système mécanique que la liberté de l'agent individuel, en quelque sorte, à l'intérieur de ce système, qui peut modifier l'ensemble du système par son comportement. Et donc c'est ce que dit, et ça je trouve ça assez fort, alors je ne sais pas si c'est pertinent ou pas pertinent, on en discutera justement, ce que je trouve assez fort, c'est que Turner, à ce moment-là, dès ce moment-là, en quelque sorte, Il met en valeur la dimension politique ou l'ambiguïté politique qui apparaît à ce moment et qui va se développer tout au long de ces différentes applications. Donc, parce que le troisième point qui est important dans cette période, c'est la manière dont, mais ça c'est très très connu aussi, théorie cybernétique est tout à coup appliquée, en quelque sorte, à tout un ensemble de disciplines, de pratiques, de champs d'application. En particulier, alors, un des vecteurs les plus remarquables, c'est les conférences MASI, qui rassemblent des scientifiques de toutes disciplines, y compris en sciences humaines et sociales, puisqu'il y a Grégory Bateson, Margaret Mead qui sont présentes, et qui permet en fait la circulation de ces théories dans tout un ensemble de disciplines. Bon, ça, c'est assez connu. Alors, le vrai point, c'est comment est-ce que Brandt, qui à l'époque est un étudiant, qui débarque à Stanford, si je me souviens bien, jeune étudiant, voilà, comment est-ce qu'il entre en contact avec la théorie cybernétique? Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y entre en contact par une application dans le champ de la biologie, en suivant les cours, en particulier de Paul Ehrlich, qui développe une théorie des systèmes vivants, en fait, hein, une théorie cybernétique des systèmes vivants, à l'intérieur de ses cours, puis par la publication 63 de The Process of Evolution. Donc, cette première période, et puis je m'arrête là, je la trouve vraiment intéressante parce qu'elle montre comment un modèle, en fait, du coup, se répand dans toutes les disciplines scientifiques et fait sens dans un grand nombre de disciplines scientifiques, et comment ce personnage secondaire, très secondaire, qui est Stewart Brandt, entre en contact avec cette théorie, non pas à sa source même, mais à une de ses applications, et ensuite il remonte à la source, bien sûr, évidemment, après il lit Wiener, etc. Donc, alors on entend dans le livre aussi des extraits des archives personnelles de Brandt, et je ne sais pas pourquoi je prononce Brandt comme ça, mais Brandt, et il dit à un moment, plus précisément, que c'est en fait le catalogue lui-même, c'est-à-dire tout ce que ça a supposé de réaliser ce catalogue, je vais vous dire dans un instant ce que c'est, qui a été sa porte d'entrée dans cet univers des systèmes, parce que ça lui a fait lire Wiener, Bateson, etc. Ah. Et c'est un tout. ce n'est pas tout à coup il découvre, même si le chapitre 2 s'appelle Meets, comme si tout à coup tout se faisait, c'est une diffusion progressive aussi comme pour lui comme la conscience d'une convergence entre la théorie des systèmes, parce que c'est ça qui relie toutes ces, tout ce dont je viens de parler, et puis la volonté de s'éloigner de la société telle qu'elle est dans les années 60 aux États-Unis pour aller s'isoler dans des communautés, parce que c'est de ça qu'il s'agit, avec une recherche d'authenticité. Donc d'un côté, et c'est très paradoxal, c'est là qu'on se dit vraiment, mais ce pont-là n'a rien d'intuitif. D'un côté, il y a des jeunes gens, plus de 700 000, qui vont dans l'été 67 et puis en 68, commencer à aller fonder des communautés en quittant les villes. Et très clairement, s'ils ont cette volonté d'aller vers la campagne et de faire revivre un mythe de l'Ouest américain, c'est bien sûr parce qu'ils ne connaissent pas la campagne. Je le dis pas tout à fait comme le dit Turner, mais c'est précisément parce qu'il y a cette forte homophilie, homogénéité sociale, culturelle. Ce sont plutôt tous des graduates qui ont un diplôme. Alors, biologie pour Brandt, ça peut être n'importe quelle discipline, effectivement, et qui ont une volonté d'authenticité et d'harmonie, de paix, retrouver des valeurs individuelles et en même temps accéder à autre chose qu'à la lutte interne des classes sociales, des races aux États-Unis à ce moment-là, et la guerre à l'extérieur, le Vietnam et tout ce qui a précédé. Donc un mouvement d'opposition et une utopie, c'est là que le terme prend tout son sens évidemment, qui est l'utopie d'une sorte de retour à la Terre, il en parle dans ces termes-là. Lui, il les appelle les « new communalists », donc ça reprend l'idée de la communauté, et ils vont avoir besoin, tous ces gens-là, qui arrivent sans être des fermiers et qui veulent vivre une vie de fermier idéal, de savoir comment faire, tout simplement. Et Brandt lui-même lui dit ce dont ils ont besoin, c'est de retrouver ce qui est fondamental et d'avoir accès au système, c'est-à-dire aux outils qui vont leur permettre de faire cela. Oui, bienvenue. Le catalogue donc, le Whole Earth Catalog, et c'est là qu'on a vraiment le début de cette idée Whole Earth, qui veut dire terre entière, hein, c'est global, alors ce n'est pas la mondialisation, c'est plutôt la pensée catholique ou que sais-je, catholique c'est la même chose dit en grec, hein, c'est-à-dire universelle, c'est la dimension universelle de la chose. Ce catalogue universel, on pourrait traduire ça comme ça en un sens, c'est un catalogue dans lequel vont se côtoyer des extraits des théoriciens des systèmes, de Bateson, de Wiener par exemple, des annonces concernant ces courants de pensée, ces écoles et où acheter des livres, c'est aussi simple que cela, avec les meilleurs magasins pour acheter des pioches par correspondance, pour acheter des vêtements en peau de castor qui sont résistants et qui en plus sont directement un moyen de se mettre dans la peau du pionnier, de reprendre tous les rêves d'authenticité sur la frontière non encore cultivée des États-Unis. Et on a donc une rencontre assez étonnante entre la théorie et la technologie, du plus simple, du plus élémentaire, le marteau et les vis, jusque à la technologie de l'ordinateur qui commence à apparaître. Et on peut acheter des ordinateurs à distance ou avoir des kits de construction dans le catalogue. Ça va encore à un degré, et ça c'est très intéressant, Turner en parle comme ça, et d'autres ont fait ça après lui, et il dit parmi ces technologies, il y a le LSD, donc les drogues. Et il met tout cela sous la bannière, non pas seulement d'une construction pratique de cette vie en communauté dans la nature, le wilderness, hein, grande catégorie américaine, mais aussi du changement de conscience. Ce n'est pas aller vivre dans la nature pour la nature, c'est changer entièrement la conscience du groupe pour vivre différemment. Avec toujours cette perspective de le faire dans un contact avec quelque chose d'universel. Et alors, évidemment, la déclinaison, les types de communautés est extrêmement vaste. Il y avait en fait beaucoup de choses très diverses. Cette expérience a duré peu de temps. Et Brandt, presque dès le début, a trouvé une chance incroyable. Il s'est dit que ces gens avaient besoin d'une publication qui les informe et leur permettent de commander tout cet attirail, ce qui veut dire qu'il leur fournissait en prémâché, en un sens, une culture matérielle, une idéologie, et en même temps une façon de s'informer sur le dernier état de certaines théories scientifiques. Donc c'est vraiment un mélange absolument incroyable. Ça n'est pas quelque chose de confidentiel, c'est-à-dire que s'il y a 700 000 personnes et plus qui sont parties s'installer dans la communauté, ils ont aussi acheté ce livre, et la première édition en 1968 fait 60 pages, est tirée à 1000 exemplaires et propose une centaine d'objets, ou d'items, parce qu'il y a aussi des livres, etc. Trois ans plus tard, en 71, quand le dernier numéro paraît, ça fait 500 pages, il y a 1000 éléments dedans, et très tôt, le livre a gagné le National Book Award, donc reconnaissance maximale aussi de ceux qui ne participent pas à cette vie des communautés. Donc la diffusion culturelle à travers toute la société, elle est déjà présente. Entre-temps, ces communautés éclatent aussi, c'est une expérience qui est parfois amère pour certains, et qui n'est pas directement récupérée justement, mais qui va se continuer à être véhiculée par divers canaux, dont cette pensée technologique, et va prendre d'autres formes sociales. Donc le catalogue, grande réussite d'édition, point de contact entre différentes communautés et différentes cultures, et construction de réseaux au sens le plus concret, qui écrit, qui permet que fonctionne cet échange avec les lecteurs, qui prend contact avec les entreprises qui vendent les objets, avec quelle librairie travaille-t-il, etc. Ce sont des constructions tout à fait concrètes. La grande force, ça n'est pas très original, mais ça n'a jamais été étudié aussi bien. La grande force du livre de Turner, c'est de montrer de quelle manière ce qui était une production imprimée universelle avec ces deux pôles pratiques intellectuels devient, au moment où les communautés ont échoué, une communauté électronique. Puisque The Well, c'est une expérience donc, dans la Bay Area aussi, pour la première fois de communauté virtuelle. Le terme commence à apparaître là et a été théorisé ensuite, par Ryan Gold notamment, sur cet exemple. Donc c'est vraiment le prototype, on pourrait dire. Ce prototype est Well, c'est aussi Whole Earth, Electronic, avec le E et l'ID, pour Electronic, et Link, un lien. Il s'agit toujours de communauté, de relier les gens. D'ailleurs, quand on voit ce link, on pense bien que chaque fois qu'on clique, il y a quelque chose d'idéologique qui vient de cette transmutation de l'esprit de la communauté dans une forme technique qui relie les gens entre eux. Alors l'idée d'authenticité dans les communautés, avec transformation de conscience, partage d'idées, partage de savoir, elle se transpose et se transforme, j'allais dire en ligne, oui, on peut le dire, avec des réseaux distants, avec des moyens d'échange. C'est un espace textuel, hein, bien évidemment. Là, on ne parle pas d'autre chose. Donc c'est un échange, ce lien, c'est avant tout un échange de texte. On est donc dans une préfiguration du web aussi, on est en 1985, et on a déjà des échanges à un échelon qui n'est pas universel, mais dont l'espèce de vision est universelle, un échange de non pas seulement d'informations cette fois, comment acheter un livre, comment acheter une pioche, mais de véritables discussions, puisque à partir du moment où c'est la forme de la liste de discussion par courrier électronique, pour le dire comme nous en avons l'expérience, eh bien les discussions peuvent être beaucoup plus profondes, argumentées, avec des références, etc. Et on n'a pas à vivre ensemble, ce qui est évidemment, et dans la nature, ce qui est évidemment la cause de l'échec des communautés en partie. Donc on réinvente cette utopie de la communauté, mais en ligne. Est-ce que c'est s'adapter à de nouvelles technologies? Est-ce que c'est faire contre mauvaise fortune bon cœur, pour le dire de manière très populaire, mais ça veut dire qu'un échec concret fait survivre une utopie, ou est-ce que c'est une sorte de pis-aller, de revanche de revanche après l'échec, de seconde tentative après un échec dont on n'a pas tiré les leçons? C'est un peu l'ambiguïté, évidemment. En tout cas, il y a beaucoup d'espoir qui continue à être véhiculé dans cette communauté, et c'est vraiment le prototype. La différence maintenant, c'est que c'est à distance et qu'on voit beaucoup mieux, et tu peux expliquer pourquoi ça se transforme après, on voit bien mieux pourquoi il y a une très forte homogénéité entre les membres et de quelle manière ce sont les gens qui vont implanter ces idéologies dans d'autres cercles et être entrepreneurs, influents dans le monde politique, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est que nous, on le voit bien, parce qu'on connaît le profil socio-économique des différents acteurs qui font Noël, mais les acteurs eux-mêmes ne le voient pas forcément, ou en tout cas tentent de l'oublier en permanence. Et c'est là que la préface de Dominique Cardon justement le pointe bien, parce que Turner, lui, il sème des petits indicateurs comme ça tout au long de son développement, qui le montre aussi, mais sans trop insister. Ces communautés oublient en permanence leur homogénéité sociale, ou refoulent, on pourrait dire, en quelque sorte, leur homogénéité sociale, ne la pensent jamais. Et évidemment, ça a un impact très très important sur les modèles politiques et les utopies politiques qui découlent de ce type de communauté de construction sociale, qui ensuite va se centrer sur des combats via la Free Software Foundation, par exemple, autour de la notion de liberté individuelle, liberté d'expression, et jamais, ne jamais penser la stratification sociale, la différence sociale, les phénomènes d'exclusion, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, la dernière période qui s'ouvre au milieu des années 80, c'est le développement de la nouvelle économie, et donc la transformation, en quelque sorte, de toute cette histoire, de toute cette construction idéologique progressive, en quelque chose qui fait de l'économie. Alors, il y a plusieurs éléments qui sont déclencheurs dans les deux chapitres qui en parlent dans le livre. Le premier, c'est effectivement The Well, puisque c'est là que les individus qui participent à The Well se rendent compte qu'ils ont la capacité de transformer la richesse de leurs échanges, la richesse sociale de leurs échanges à l'intérieur de la communauté, en richesse matérielle, en richesse économique, tout simplement, parce qu'ils se font un carnet d'adresses, ils se construisent une réputation, ils se construisent une visibilité à l'intérieur de la communauté, et donc ça leur donne la capacité, tout simplement, de monétiser ensuite ce capital social qu'ils construisent à l'intérieur de la communauté. Et alors, je trouve ça vraiment intéressant, parce que The Well, c'est quand même le tout début, hein, c'est les années 80, et en fait, on est exactement sur les mêmes problématiques que tout ce dont on parle à propos du fameux Web 2.0, qui arrive plus tard avec le label Web 2.0, mais c'est toujours la même problématique. C'est comment du capital social est reconverti en capital économique, accaparé par un certain nombre d'acteurs, ou pas. Et cette problématique, elle est présente dès le début. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est un truc très particulier qui s'appelle le Global Business Network, qui est une sorte de réseau, là encore très très hétérogène, qui construit en fait un point de contact et en fait un lieu d'échange entre des entrepreneurs, des scientifiques, des ingénieurs, des gourous, des communicants, et ainsi de suite, et qui permet, par l'organisation de conférences et de séminaires, aux entrepreneurs, cette fois-ci, donc aux hommes d'affaires, hein, les gens qui sont véritablement aux commandes dans les entreprises, et parfois dans des très grosses entreprises, donc ça c'est un peu étonnant, la chaîne en particulier est très influencée par ce type d'activité, et bien de s'acculturer à toute cette culture qui a été en construction depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc là, il y a une reconversion en quelque sorte dans le domaine de l'économie, de toute cette culture, de la communauté, du lien, de l'échange, de la globalisation, de la libre association, de la circulation non hiérarchisée et complètement libre de l'information, et ainsi de suite, qui est réinvestie en quelque sorte dans les milieux d'affaires. Et le Global Business Network est un des lieux où se fait ce genre de choses. Alors, Dominique Cardon, et je n'ai pas retrouvé la citation malheureusement, parle à un moment, il a une phrase qui est vraiment très très amusante, où il dit comment Brandt et ses amis maraboutent littéralement les PDG, les responsables de direction dans les entreprises, avec toute cette contre-culture, tout ce nouveau vocabulaire aussi. Alors c'est ça qui est important, c'est comment en fait c'est un langage qui a été créé tout au long de ces décennies et qui en fait permet au milieu d'affaires, aux gens qui sont dans les entreprises, de penser la reconfiguration du mode d'organisation économique au milieu des années 80 dans les entreprises et la manière dont le capitalisme évolue, justement. Et c'est là que la théorie cybernétique, en fait, reculturalisée en quelque sorte par la contre-culture, et donc insérée dans une espèce de construction idéologique et linguistique en même temps, eh bien, est un outil permettant à ces milieux d'affaires de penser la manière dont ils établissent des relations économiques avec les autres entreprises, mais aussi avec des agents économiques que sont leurs salariés, et ainsi de suite. Sur le principe de la libre association, sur le principe de la libre contractualisation. Du feedback, finalement. Exactement. Ce qui reste de tout ça, c'est le feedback, à savoir qu'il faut une adaptabilité à tout moment. Voilà, c'est déjà une sorte d'agilité, de souplesse. Hein. On ne peut pas tout planifier à l'avance et appliquer de façon rigide, mais on responsabilise les agents et on leur demande eux-mêmes de prendre en main leurs objectifs, etc. Et donc, en fait, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, qui est une équivalence qui est établie à ce moment-là entre un système autorégulé et un marché autorégulé. Et donc, c'est là qu'il y a la connexion qui se fait avec, en fait, les théories libérales qui se développent très fortement à partir du début des années 80. Et c'est là qu'il y a une connexion qui se fait, une intrication qui se fait entre toute cette histoire et le développement d'un libéralisme fort et d'une idéologie libérale très très forte autour de la suprématie du marché autorégulé. Et c'est comme ça, et c'est par là que peuvent se faire du coup des alliances, en particulier avec une aile droite très forte au sein du Parti Républicain qui monte en puissance, sur une pensée anti-étatique, une pensée dérégulatrice, une pensée du marché autorégulé. Et là, il y a des alliances qui se font. Et là, c'est assez troublant, effectivement. Turner montre comment quelqu'un comme Esther Dyson... Alors moi, je connaissais Esther Dyson depuis... Enfin, pas personnellement, mais je connaissais ce qu'elle avait écrit, publié depuis longtemps sur... en particulier au milieu des années 90, sur l'idée de... effectivement, Internet est un espace, est un cyberespace qui se développe de manière autonome et que il est nécessaire de le laisser se développer de manière autonome parce qu'il s'autorégule. Ce que je ne savais pas, c'est qu'Esther Dyson était une responsable interne du Parti Républicain assez bien placée. Donc, cette connexion-là, moi, je la connaissais par naïveté, par ignorance sans doute, mais là, il y a un point qui est vraiment important. Donc Esther Dyson, par exemple, est une des personnes qui, effectivement, au milieu des années 90, lutte pour la dérégulation du marché des télécommunications, très très forte, avec un certain nombre d'autres, et ils y arrivent, hein, il y a une dérégulation forte du marché des télécoms. Mais en fait, ce n'est qu'une application particulière, moi je pensais que c'était juste ça, en fait ce n'est qu'une application particulière de, c'est très fortement lié avec la montée en puissance idéologique d'une pensée anti-étatique et de dérégulation des marchés financiers, du marché du travail et de l'ensemble de l'économie de manière plus globale, en fait. Et c'est cette connexion-là qui me semble assez importante. Voilà, en gros, c'est ça. Et Wired arrive dans ce paysage. Ah oui, alors Wired, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est le média, en fait, c'est très simple. Hein. Wired, c'est le média qui donne de la visibilité à cette connexion-là et à ces connexions-là, à ces alliances, puisque Newt Gingrich, par exemple, fait la une de Wired à un moment donné. Et donc alors ça, c'est très étonnant, hein, parce qu'effectivement, il y a une alliance qui se fait avec quelqu'un comme Newt Gingrich, qui est quand même pas particulièrement à gauche. Mais on la comprend, hein, du coup, on comprend bien comment se font ces alliances. Et Wired est le média qui donne de la visibilité à l'ensemble de ces alliances, à cette cohérence, du coup. Et qui en même temps prend en compte les aspects à la fois techniques et scientifiques, puisque du coup il y a une connexion, une équivalence qui se fait, une alliance entre la science, la technologie, l'économie, une pensée de la société et une pensée politique. Donc là il y a une cohérence idéologique et donc du coup la notion d'utopie numérique prend tout son sens. Voilà pour cette histoire. On passe à la dernière partie. Et je pense que c'est clair pour tout le monde. Grant était à l'origine de chacun des projets dont nous avons parlé. Absolument. C'est bien ça qui est assez stupéfiant, c'est qu'il est passé de l'un à l'autre en faisant communiquer aussi des supports, finalement. et des modes de construction de réseau. Global Business Network. C'est lui. Donc ça va de il est en quelque sorte directeur d'imprimerie à un moment. Il devient lobbyiste et fait du consulting. Et il est en même temps un des premiers à fonder un véritable réseau qui fonctionne de communication électronique. Et tout ça dans le parcours du même homme, c'est très étonnant. Pour se retrouver ensuite avec Wyatt à la tête de quelque chose qui est à la fois l'image même de ce qui est à la mode et qui ouvre la technologie à un assez grand public et qui en même temps est la lecture de chevet de dirigeants des entreprises de nouvelles technologies. Et encore, on n'a pas fait le tour de toutes les connexions qu'il établit, puisqu'en particulier, il fait des connexions avec les milieux hackers à un moment donné. C'est lui qui organise la Hackers Conference en 84. Et voilà, donc il y a toute une panel de connexions qu'il établit, et c'est l'homme réseau, en réalité. Alors, je propose qu'on finisse sur... alors, tout ça avec les Digital Humanities. Est-ce qu'il y a une relation? C'est bizarre, non? On se dirait quel rapport, franchement. Eh bien, ce qu'on vous propose de faire, en fait, c'est de revenir sur quelques-uns des textes qui ont été publiés récemment sur les Digital Humanities, proches de nous, d'ailleurs, et d'essayer de voir dans ces textes s'il n'y a pas des choses qui résonnent avec tout ce qu'on vient de dire depuis bientôt une heure. Donc, on a choisi... Alors, le propre des Digital Humanities, enfin, une des caractéristiques des Digital Humanities, c'est que c'est un mouvement qui produit des manifestes. À ne plus savoir qu'en faire, il y a au moins 3 manifestes qui ont été publiés. Donc, nous, on a participé à 2 d'entre eux, donc on est criminel, on est fautif, mais il y a au moins 3 manifestes qui ont été publiés. C'est assez intéressant parce que le propre des manifestes, évidemment, date des textes où un certain nombre de valeurs d'orientation sont exprimées. Et ça, c'est intéressant. Et puis, vous allez voir qu'il y a d'autres textes. Ah, tu les as, du coup, oui, ou pas ouais. Alors, je vais commencer par celui-là. Donc. Le premier, qui est le manifeste de Lucla. Alors, il s'appelait 2.0 parce qu'ils en ont fait une première version un an avant. Mais... Absolument. Donc, en 2009. Là. Alors, ce manifeste... Voilà. Alors, on ne va pas le regarder en détail. Simplement, si vous allez le voir en ligne, vous allez voir qu'au 13e paragraphe, il y a un paragraphe qui dit « Digital humanities have a utopian core shaped by its genealogical descent from the counterculture, cyberculture, interwinglings of the 60s and the 70s. » Donc là, pas la peine d'aller plus loin, c'est explicite. Nous sommes les héritiers de la contre-culture et de la cyberculture des années 60 et 70. Nous sommes les enfants de Stewart Brand, en quelque sorte, et c'est dit de manière très très explicite. Et ensuite, il y a un certain nombre de valeurs qui sont de revendications. Et de manière complètement positive. Hein. Oui, absolument. De manière complètement positive. Ouais. En transition avec ce que tu passes à l'autre manifeste après. Ouais. En transition, ce manifeste-là, il est tout à fait antithétique de ce qui a été fait après. C'est un texte français qu'on va voir ensuite. Parce que, quand j'en parlais, moi, depuis quelques années, j'en parle comme d'un manifeste artiste. Un manifeste qu'on peut appeler surréaliste, dadaïste, plus encore, qui est vraiment du côté de la critique. Il y a des historiens de l'art qui sont impliqués dans cet objet. Ça se voit, notamment parce que c'est bien fait, parce qu'il y a des références ensuite dans les images, etc., dans le texte. C'est très ludique. C'est très contre-culturel, justement. Bref, on pourrait développer beaucoup l'inscription dans la culture européenne, dans la culture... Et d'ailleurs, je me suis aperçu, en fait, il y a très peu de temps, que Schnapp, qui est un des signataires, un des créateurs, est spécialiste de l'histoire de l'Italie, l'histoire culturelle de l'Italie. Oui, donc, je ne pouvais pas tomber mieux avec le futurisme. C'est tout à fait cette perspective-là. Et en tout cas, leur but, là... c'est de surprendre tout le monde, comme avec cette main à 6 doigts, là, qui nous parle de Digital, et de choquer. Donc c'est le manifeste au sens où on le colle pour dénoncer quelque chose au coin de la rue, en ayant des termes très violents et des images qui font réfléchir. Jusqu'à la scatologie, bref, on a de tout dans ce manifeste. Mais il est vraiment intéressant. Il ne peut pas être lu par le doyen de l'université en question pour aider à la fondation d'un centre. Ça n'était pas le but. En revanche, Ok, deuxième manifeste, c'est le manifeste de 2010, France, fait en France, un manifeste des Digital Humanities. Alors là, moi, il y a un terme, du coup, si vous voulez, nous, on a participé à la rédaction de ce manifeste. Et là, du coup, moi, je le relis après avoir lu Turner. C'est ça l'exercice. Je le relis après avoir lu Turner. Et là, je me dis, il y a un truc qui me saute absolument aux yeux, c'est qu'on utilise au moins 15 fois le terme communauté. Nous sommes... Alors, nous, acteurs des digital humanities, nous nous constituons en communauté de pratiques solidaires, ouvertes, accueillantes et libres d'accès. Nous sommes une communauté sans frontières. Et une phrase d'après, nous sommes une communauté multilingue et multidisciplinaire. Alors, c'est assez banal parce que tout le monde dit... nous sommes une communauté. Hein. Le terme de communauté, c'est devenu le mot fétiche, véritablement, de la plupart des acteurs, des milieux, et ainsi de suite. Mais là, cette espèce d'insistance sur la notion de communauté est vraiment significative. Et évidemment, elle est sans doute héritée moins de Tennis que de la notion de communauté virtuelle, en réalité, qui se développe avec The Well, avec Internet, etc. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on parle des communautés dans le langage courant, on parle très souvent de communauté virtuelle. Et dans ce cas-là, on parle de communauté virtuelle avec son mode de structuration très particulier. Alors, on y reviendra et tu en reviendras, il reviendra en particulier. Évidemment, le mot communauté ici n'est pas à penser dans une relation à société, par exemple. C'est là que théorie de Tennis n'a pas du tout d'intérêt, mais à penser dans une relation avec le mot d'institution, par exemple, ou d'académie, dont tu parleras. Mmh. Donc voilà, ça c'était pour le manifeste. Alors, pour l'exercice, il y a aussi l'air du temps. Hein. C'est-à-dire pour nourrir vraiment ces remarques-là, il faudrait voir de quelle manière le mot se développe, dans quel milieu, parce que les humanités numériques sont loin d'être le seul milieu où on en abuse. Ah, absolument pas. Oui, tout à fait. Voilà, loin de là. Donc il y a aussi un air du temps. Un air du temps est peut-être une particularité qui fait que c'est particulièrement employé dans ce milieu-là. C'est le fait qu'on s'adresse à des acteurs qui ont des situations réellement différentes dans le monde de la recherche, de l'enseignement, etc. C'est-à-dire que pour mettre de manière très pratique, quand on rédige un texte, s'adresser en même temps à un bibliothécaire, à un doctorant, à un professeur, le tout dans une communauté véritablement multilingue, on a des problèmes de vocabulaire et conceptuel. De quoi parle-t-on ? Et donc la notion de communauté pratique, qui elle est devenue aussi très très diffuse, mais comme outil conceptuel, qui est plus ancienne, mais qui dans les années 90 a été cristallisée par un livre de Wenger, devient un outil sociologique pour penser cela, mais ensuite... C'est aussi parce qu'on a un problème de définition du champ. De qui parle-t-on ? Quels sont ces acteurs ? Et donc, communauté est une façon, je dirais, qui est à la fois sympathique, chaude et aisée de parler de quelque chose, de valeur que l'on veut partager. Voilà. Et là, il s'agissait d'inclure avec un texte. Oui, là, c'est le... Pas de choquer et d'exclure, comme dans le premier, et de fasciner, d'amuser, mais d'inclure les lecteurs, de leur faire savoir qu'existait ce mouvement, et de leur faire prendre conscience d'un certain nombre de problèmes. Parce que c'était ça. Un tout récent, c'est celui-là. Alors, je vais en parler à la fin, en fait. D'accord. Je peux ? Alors oui. Tu peux avancer sur un autre, alors ? Alors non. Parce non. Que... J'ai pas d'image pour d'autres manifestes. Ah, je pensais à quoi ? Alors, le chapitre de Spiro. Ah oui, bien sûr, d'accord. Tu veux parler à la fin. Alors, tu veux parler de ceci. Voilà. Ouais, voilà. Donc, dans The Debates... In Digital Humanities, il y a un chapitre dans la partie Defining Digital Humanities, si je me souviens bien, qui est écrit par Liza Spiro, qui est intitulé donc This is why we fight, defining the values of digital humanities. Pourquoi nous combattons ? Ce qui est une citation des films d'autopropagande durant la guerre. On défend évidemment les bonnes valeurs, mais on explique pourquoi il faut rejoindre le mouvement. Là, en l'occurrence, aux États-Unis. Ouais, ouais. On voit ça ailleurs. Elle essaye de synthétiser, catalyser les différents termes qui peuvent résumer ces valeurs. Alors, ces valeurs sont openness, ouverture, hein, toujours le même mantra en quelque sorte, collaboration, collegiality, connectedness, experimentation, diversity. Alors, la question de la diversité, elle est interrogée, à mon avis, en particulier au sein des Digital Humanities. Donc, je ne m'étends pas, mais vous voyez que là encore, il y en a des résonances avec cette histoire qui précède. Donc, pour ne pas prendre trop de temps, j'essaye d'avancer vite. Voilà donc pour ce texte-là. Et puis, si vous voulez ajouter quelque chose. Alors, sur ça. Pareil pour les Dat Camp. Donc, je ne reviens pas sur ce que c'est que les Dat Camp, mais il y a, vous savez que les Dat Camp, en fait, sont une filiation des Bar Camp, hein, qui émanent des milieux informatiques. Et si on prend la définition « What is a Dat Camp ?», eh bien, on a, là encore, des valeurs qui sont affirmées, en quelque sorte, dans la définition même. Alors, the emphasis is on productive collegial work, free-form discussion. Donc, on est presque dans The Well, là, pour le coup. It's productive. Le but, c'est solve problems. Donc, il y a une dimension très pragmatique. Un peu plus loin, it's non-hierarchical, non-disciplinary, interprofessional. Donc, non-hiérarchique, interdisciplinaire, interprofessionnel. It's fun, intellectually engaging. Donc là, le fun, hein, le caractère ludique, voilà, c'est ça le mot, le caractère ludique de cette activité est forte. Et c'est aussi une dimension qu'on avait depuis le début dans toute l'histoire que Turner raconte. Voilà. Et alors, on peut terminer maintenant, cette fois-ci, sur le dernier manifeste, qui n'exprime pas de valeur particulière. Donc il n'y a pas les mots-clés que j'ai pointés dans les textes précédents. Mais qui dit juste une chose. Tout récent, ouais. 2013. Juin 2013. Oui. Il dit juste une chose. Nous avons une différence telle, nous, jeunes chercheurs en digital et praticiens des digital humanities, je ne sais plus comment tu as traduit en français. Nous avons une particularité telle que nous demandons, que nous exigeons que le dispositif académique s'adapte à notre particularité. Donc ils n'ont plus besoin, parce que de toute façon le manifeste de 2010 est mis en préambule, on n'a plus besoin de dire voilà quelles sont nos valeurs, parce que maintenant elles sont là, elles sont présentes, elles sont concrètes. Mais il y a quelque chose qui coince, c'est l'environnement, et en particulier la structuration académique autour de ce nous, de ces communautés. Et c'est juste pour dire ça, on est à ce stade-là aujourd'hui. Et donc en fait, ce qui est en jeu, c'est véritablement les structurations des institutions, structuration du milieu académique, et donc on est au cœur de comment le travail académique se reconfigure ou ne se reconfigure pas, selon quel modèle en fait, et selon quel modèle de société en particulier. Je relierai ça avec la conclusion du livre de Turner, c'est-à-dire de Brandon Turner, qui est que, il doit bien donner un point de vue à la fin tout de même, hein, il a une thèse, mais il donne aussi un point de vue, il dit, évidemment il y a toutes ces utopies des gens dont j'ai parlé, mais ce qui est important, c'est qu'avec ces outils, nous inventions collectivement une structure, des institutions, qui est donc des médiations sociales que permettent les technologies, mais qu'elles n'entraînent pas nécessairement. C'est à nous de prendre en main et d'avoir un projet politique, en somme. C'est sa conclusion, ce sont vraiment les dernières lignes du livre. Et ça me semble très important parce qu'une des grandes leçons, évidemment, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme technologique. Que, contrairement à l'utopie initiale, ce n'est pas parce qu'on a le LSD ou parce qu'on a l'informatique personnelle ou les moyens de classer des bases de données, même si ce n'est pas personnel, que automatiquement le monde sera meilleur et que les relations entre les hommes en seront facilitées. Ça ne veut pas dire que ça va aller pour ou contre, mais ça veut dire que ça n'est pas une implication nécessaire. Donc cette liberté, ça n'est pas la liberté de l'individu qui se déploie magiquement, c'est une possibilité collective, mais l'EIP ne donnait pas nécessairement Steve Jobs, l'évolution de Wall Street n'était pas inscrite le jour où on a créé le premier ordinateur, tout ça est une construction historique, sociale. Donc c'est une bonne conclusion universitaire, évidemment, mais c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, parce que c'est toujours facile de retomber dans une forme de déterminisme quand on travaille avec des technologies. Alors, les 3-4 questions, 3 questions que je reprends de ce que nous avons déjà dit et qui peuvent lancer la discussion, de pouvoir prendre sur n'importe quel point que nous avons évoqué, ou non, ce serait les points sensibles ou les points aveugles, finalement, que Pierre a commencé à signaler, de ce que les gens qui font des humanités numériques prônent dans les manifestes, ressentent, disent. Le premier point le plus important, ça va être ce désir de communauté. Parce que c'est sur ça que reposent finalement toutes les entreprises de brand. Et ce que montre cette histoire, c'est qu'on a un désir de communauté, d'authenticité qui dépasse l'individu, qui va prendre des formes différentes, qui va profiter des technologies et les modifier, et qui cherche à se réaliser avec cette idée de whole earth, d'harmonie globale. Et une question que je pose, hein, c'est tout à fait ouvert, c'est la question de savoir si, lorsque le mot de communauté réapparaît sans cesse, par exemple dans le manifeste de 2010, si véritablement c'est tactique, il s'agit de dire nous existons, il y a une communauté à laquelle qui a des besoins pour faire de la recherche et qui demande à ceux qui ont les moyens de donner des moyens, ou bien s'il y a aussi une sorte de désir qui s'exprime à travers ça, qui est un désir, je le formulais comme ça, d'harmonie locale, non pas globale, mais de faire sécession, une sorte de communauté, à l'intérieur d'un monde de la recherche, et plutôt que de le changer, de réinventer quelque chose d'autre. La question est vraiment compliquée parce que ça veut dire aussi que, selon la réponse qu'on apporte, on peut penser qu'il vaut mieux avoir des centres et des départements d'humanité numérique isolés, avec des gens qui sont déjà convaincus qu'ils ont quelque chose en commun et qu'ils peuvent travailler à inventer quelque chose de nouveau, ou bien on cherche à continuer au sein des institutions existantes, avec les méthodes existantes, à réinventer les disciplines. Les deux voies coexistent, évidemment, mais ce sont des pôles, et on peut se demander s'il n'y a pas parfois une sorte de... Je ne sais pas s'il faut appeler ça une naïveté, parce que... Enfin, c'est naïf si je peux me considérer moi-même comme naïf aussi en même temps que je le dis. C'est-à-dire que la plupart des data camps, par exemple, sont un lieu où on est tous très heureux d'échapper à certaines pesanteurs hiérarchiques, à voir en pratique de fait une sorte d'abolition des grades et un échange de savoir qui va au-delà des hiérarchies, tout simplement. Maintenant, ce n'est pas là que sont les projets de recherche, ce n'est pas là que s'écrivent les livres, etc. Donc, que s'attribuent les budgets. Que s'attribuent les budgets. La spontanéité, oui, le spontanéisme, non. Donc, il y a évidemment cette question toujours à se poser. Est-ce que ce ne sont pas des espaces que nous créons, ce séminaire compris, hein, pour rêver ensemble avant de retourner à la réalité institutionnelle? Bon, là, posé comme ça, j'espère que la question n'est pas trop facile à résoudre. Donc une métamorphose désir de communauté. Et l'autre grande question, en fait je m'arrêterai là, c'est le rapport entre cette histoire que fait Turner, qui nous montre une contre-culture des États-Unis qui devient une culture, et notre culture mondiale, et donc notre situation française. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui à Paris de lire ce livre ? Dans quelle mesure est-ce qu'il nous parle réellement de nous, puisque mai 68 en France n'était pas non plus le 68 des États-Unis, que l'étiquette de hippie pour les gens qui étaient dans le Larzac n'était pas la même chose que pour les lecteurs du Whole Earth Catalogue. Je ne sais pas d'ailleurs comment on faisait dans le Larzac pour essayer de s'approvisionner aux meilleures sources, je n'ai pas d'informations. Et ça m'amène à la dernière dimension, qui est une dimension aussi générationnelle. Pierre n'a pas été dans le Larzac, même s'il a quelques petites années de plus que moi, mais pour moi, c'est l'expérience de la génération de mes parents. Et là où ça me mène, ça n'est pas simplement la réflexivité, mon parcours, et que sais-je, c'est bien plutôt ce que, en 2011, Bethany Knobs, qui fait partie des gens qui écrivent dans ce genre de livre, appelait l'éternel septembre des Digital Humanities. Elle reprenait un phénomène qui a cette étiquette-là, qui est le fait qu'il y a dans tous les forums en ligne, par exemple, c'est observé à un endroit d'abord, en septembre, une sorte de véritables explosions du nombre de personnes qui s'inscrivent, qui se connectent, et des débats, et beaucoup de choses nouvelles qui apparaissent. Pourquoi ? Parce qu'il y a les étudiants de première année qui arrivent. Après 3 semaines, la plupart sont repartis. Les gens qui étaient déjà dans cette communauté restent entre eux, plus quelques nouveaux, et la situation normale reprend son cours, ça peut évoluer, etc. Mais enfin, on a ce septembre éternel qui arrive et qui repart, comme une vague. Et la question que pose Novitski, et que quelqu'un d'autre récemment posait, était, est-ce que ça n'est pas encore accentué dans les digital humanities, et est-ce que le phénomène de génération ne nous empêche pas de percevoir notre propre histoire, d'une part, donc la tradition dans laquelle nous inscrivons, c'est le sujet de la séance, et d'autre part, de voir la nécessité de l'institutionnalisation. La nécessité, alors là, pour le coup, c'est le contraire de ce que tu disais, dans son blog s'appelle The Stone and the Shell, je retrouverai le nom tout à l'heure, il reprend, lui, Tönnies directement, et il dit, Gemeinschaft, c'est très très bien, mais au lieu de rêver de communauté, il y a Gesellschaft, alors pas au sens social, mais au sens de l'institution que tu évoquais. À savoir que depuis les, mettons 60 ans, mais en tout cas, depuis qu'on parle de digital humanities, depuis le tournant du 21e siècle, une véritable institutionnalisation, et plus seulement aux États-Unis et en Angleterre, est-ce qu'il ne faut pas arrêter d'avoir un langage qui est celui de la communauté pour affronter le fait que l'institutionnalisation peut sembler refroidir certains mouvements, mais doit permettre de capitaliser, si je puis me permettre dans cette séance-ci, et de construire sur des bases qui ne soient pas sans cesse réinventées. Voilà. Donc pas d'éternel septembre, et pas de naïveté chez la jeunesse que nous sommes tous. Qu'est-ce que tout cela vous suggère ? Que vous vous situiez dans une communauté, une autre, au-delà des communautés ? Je dois dire que je suis très très fier que nous ayons réussi à garder une demi-heure de discussion. C'est un exploit. Dans les séances de lecture, ça a été difficile. À deux en plus. Oui, à deux. Oui. Moi, il me semble qu'il y a une question qui est au cœur des humanités numériques et qui montre bien la tension qu'il peut y avoir vis-à-vis de l'institution. C'est bien ce que finalement les nouvelles technologies ne sont que des outils au service du chercheur qu'il s'agit d'optimiser pour accroître le potentiel de la recherche, ou est-ce que ces nouvelles technologies remettent fondamentalement en question les disciplines et que la réaction des universitaires, mais c'est en doute dans cette tension entre ces deux questions sur l'usage des humanités numériques. Oui, c'est vrai, c'est intéressant parce que précisément, tout le livre et puis les démarches de Brandt reposent sur l'idée qu'un outil, c'est à la fois quelque chose qu'on utilise et quelque chose qui nous transforme. La grande réinvention de la conscience individuelle par le biais de l'ordinateur, par exemple, ça repose sur l'idée que c'est toujours à double tranchant. Maintenant, il n'y a pas d'institutionnalisation qui reposerait sur un discours du type « utilisez un ordinateur et vous penserez différemment ». Si. Enfin, non, c'est pas institutionnalisé. Non, c'est pas « think different », c'est exactement ça. Oui, tu as raison. Eh oui. Tu as raison. C'est exactement ça. Enfin non, ça s'est acheté notre marque d'ordinateur plutôt que l'autre. C'était en 84. Tu crois ? Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Tu as raison. Et Apple est très significatif de ouais, ce... Ouais. Puisqu'ils vendent de l'ordinateur ou de l'outil connecté comme un outil d'expression personnelle, un outil de mise en réseau, comme un modèle de société. Je pense que sur votre alternative, la première option est forcément invalide, me semble-t-il, parce que un outil transforme toujours, est toujours le vecteur d'autre chose. on se transforme en utilisant un outil, ce que tu disais. Après, ça ne prend pas forcément la forme de la dissolution des disciplines. C'est une question particulière. Mais en tout cas, il y a une transformation et le développement du mouvement des Digital Humanities en est la démonstration. En fait. Ça ne prend pas forcément la forme d'une dissolution, mais c'est souvent vécu comme ça. Alors, c'est-à-dire avec une sorte de schizophrénie de la plupart des chercheurs, qui est qu'ils intègrent le courrier électronique, le traitement de texte, éventuellement le fichier Excel pour leurs besoins administratifs, ça leur semble normal, parce que c'est devenu aussi transparent que le papier et le crayon. En revanche, aller plus loin, c'est attenter à leur... très souvent, c'est perçu comme une infraction contre leur, précisément leur liberté de penser, parce qu'on détermine la façon dont ils vont faire les choses. Ce n'est pas un espace où ils se sentent libres. Une base de données qui va vous obliger à mettre dans deux colonnes les informations, c'est déjà réduire l'ambiguïté, etc. Et donc ça n'est pas concevable, par exemple. Donc il y a forcément quelque chose de subversif de ce point de vue-là, parce que ça change la façon de travailler. Je ne pense pas à une dissolution, mais plus à une transformation de l'intérieur sur lesquelles il y a des résistances, pour les gens qui ne puissent pas les sortir. Et puis finalement, il y a peut-être des générations qui s'opposent et qui s'affrontent à l'intérieur des humanités sur cette question-là. C'est vrai, de loin du fait de maîtriser, je pense qu'il y a réellement un refus. Un refus, avant même quand on propose d'expliquer, quelquefois il y a vraiment un refus. Donc je ne sais pas d'où vient le refus, mais il y a vraiment refus justement pour les problèmes de base de données ou de liste. Oui, mais si. Par une liste. Ouais. Si vous voulez, ce qui m'intéresse dans cette lecture en particulier, c'est qu'elle montre que les oppositions, les conflits qu'il peut y avoir autour de l'utilisation, de la non-utilisation de tel ou tel outil, ne sont jamais que des subterfuges. Bon, et ça, on en fait tous les jours l'expérience, hein, ou comment on appelle ça, des subterfuges de conflits qui ont une autre nature que l'utilisation de tel ou tel outil ou la non-utilisation. Donc lorsque un chercheur, par exemple, refuse d'utiliser un outil comme un forum en ligne ou une base de données ou je ne sais quoi, c'est aussi, parfois, ça peut être aussi la manifestation du refus d'entrer dans un mode d'organisation de la recherche, tout simplement, ou de contrainte sur un mode d'organisation de la recherche. Donc je vais dire les choses de manière plus politique. Si les humanités numériques sont en quelque sorte le vecteur d'un mode d'organisation de la recherche qui est un mode d'organisation de la recherche par projet. Cheval de Troie. Oui, c'est le cheval de Troie, voilà. Un mode d'organisation par projet, par contractualisation de courte durée, et donc du nouvel esprit du capitalisme en réalité. Comment interpréter autrement le refus d'un certain nombre de chercheurs d'entrer dans cette logique-là ? En disant, moi, la Digital Humanities, j'en veux pas, parce que c'est un mode d'organisation de la recherche, mode de financement, un mode d'établissement des relations de travail entre les gens, un mode de collaboration, un mode de coopération entre les acteurs, que je refuse, hein, politiquement. C'est ça, moi, c'est ça qu'on a voulu, c'est le débat qu'on a voulu poser, en fait, je crois, hein, dans cette, oui. Enfin, un des débats, mais c'est un des débats majeurs qu'on a voulu poser dans cette séance. Parce que je crois que, voilà, jusque-là, on a toujours été plutôt enthousiaste sur les Digital Humanities, parce qu'effectivement, il y a tout un tas de choses très positives qui en émergent. Effectivement, la libre coopération permet une plus grande créativité. Par exemple, on est contre les hiérarchies, donc la déhiérarchisation, c'est bien, d'un certain point de vue. Enfin, ça procure une expérience positive immédiate. Et ça, c'est l'expérience des ad-camp. C'est une expérience positive immédiate de mise entre parenthèses des hiérarchies. De mise entre parenthèses des fossés ou des cloisons entre les professions, par exemple. De mise entre parenthèses des fossés entre les disciplines, et donc d'interdisciplinarité qui tout à coup se permet. Mais il y a aussi, ça implique autre chose aussi. Et il y a des implications qu'on n'est pas forcément prêt à accepter, c'est ça le truc. Donc on ne peut pas, c'est difficile de prendre, c'est un tout, et c'est ce que montre Turner, c'est que c'est un tout. Donc il est difficile de dire je prends ça mais pas ça, hein, je prends la liberté, je prends la créativité, je prends l'égalité, je prends la libre association, l'échange informel, mais je ne prends pas le contrat, mais je ne prends pas la précarité, mais je ne prends pas le financement par projet. La réalité, c'est qu'on ne peut pas choisir, on est obligé de prendre le tout, en fait. C'est ça l'idée du cheval de Troie. Donc la question, c'est comment on fait à partir de ça. On va pas jeter, moi, je n'ai pas envie de jeter les digital humanities à cause de ça, en disant, et de toute façon, quel est le contre-modèle? Est-ce que c'est un modèle dire ancien de l'académie classique, hiérarchique, dont on ne veut pas forcément non plus. Alors. Derrière ce livre, sur le rapport entre déterminisme et liberté, la notion américaine de la liberté telle qu'elle est présente. Et vous avez dit à un moment donné, mais finalement, c'est très présent dans l'idée même du feedback dès le départ, avec l'effacement d'un certain nombre de rôles de la société, mais un rôle de nouveau des personnes, des individus dans les tarifs. Et vous avez bien montré que la méthode même, qui est du graphique est assez appropriée à l'étude des singularités. Et du coup, on se pose la question, qu'est-ce qui est singulier dans le destin de Brandt? Est-ce qu'il y a des données un peu psychologiques dans le livre? Moi, je n'ai pas lu le livre, ou historique. Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas le simple vecteur d'une culture qui déterminerait tout, qui serait la culture de la baie en 1945, dans laquelle tout serait présent pour la suite? Est-ce que lui-même, comme être humain, a un impact sur les événements? Est-ce que c'est lié à son authenticité? Il passe d'un rôle à un autre, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas un Jacques Attali, un commentateur, mais un acteur réellement des émissions. Oui, donc vous revenez sur l'arrière-plan métaphysique du livre. oui, non, c'est vrai. Quel est le rôle de l'individu, de la singularité Brandt? Un autre aurait-il pu être à sa place, avec un projet en moins, un autre projet en plus? Bon, dès le début, ce qu'on a dit, c'est que ce n'est pas un anonyme, mais ce n'est pas non plus... C'est un bon niveau pour adopter cette histoire, pour étudier cette histoire, visiblement, parce qu'on ne peut pas en faire un héros, parce qu'on n'a pas envie de dire, comme Engelbart ou tant d'autres, c'est un génie. Voilà. Ce qui n'explique jamais rien, évidemment. Et l'histoire des sciences a travaillé depuis des décennies pour faire autre chose, justement. Turner ne répond pas vraiment à cette question. Non. Peut-être en partie parce que l'homme est vivant et qu'il est en correspondance permanente avec lui. C'est une des façons d'expliquer sans doute. Ça, c'est un des périls de l'histoire du vivant et du présent, sans doute. Je pense que pour Turner, Brandt est un instrument d'observation. Oui. Donc, il ne s'intéresse pas à Brandt, en fait. Ce n'est pas un objet, c'est un instrument, c'est une loupe. Et donc, c'est une autre question que vous posez, en fait. Alors, moi, j'aurais une réponse en deux temps. Le premier temps serait de dire, avec Aurélien, en préparant la séance, on s'est dit, il faudrait qu'on fasse une deuxième séance sur le même livre avec des spécialistes, en fait, des américanistes, des spécialistes de la culture américaine, qui nous donnent des éclairages qu'on n'a pas, nous, forcément. Et le deuxième élément de ma réponse, qui est une réponse intuitive, ce serait de dire, on est tous plus ou moins allés aux États-Unis, on connaît les Américains, etc. Des profils à la Brandt, on en connaît tous plus ou moins. C'est quand même un truc assez fréquent dans la société américaine, c'est touche à tout. C'est ces gens qui ont plusieurs compétences, en fait, et qui du coup peuvent, dans un parcours biographique, les activer au fur et à mesure, et surtout traverser les mondes sociaux, et jouer du coup le rôle de connecteur comme Brandt le fait. Brandt, quand je lis la biographie de Brandt, je pense à plein de personnes que j'ai rencontrées, que je connais. On s'est dit, mais qui c'est lui? Il fait quoi exactement? Il est dans quelle case? Et on se rend compte qu'en fait, il n'est dans aucune case ou qu'il traverse les cases. Et ça, c'est des profils qu'on trouve assez souvent. Enfin, moi, j'en ai rencontré pas mal. Et d'ailleurs, il y a d'autres personnages comme Brandt dans le livre. Ils sont conférenciers, un peu scientifiques, puis tout à coup inventeurs, puis journalistes, hop. Et puis ils deviennent entrepreneurs. Je sais pas, vous prenez, comment il s'appelle, John Perry Barlow. Voilà, c'est héritier donc ranchman en fait. Hein. Il a un ranch dans le Wyoming, puis il fait les paroles du Grateful Dead. Puis tout à coup, il fonde l'Electronic Frontier Foundation et on se dit mais c'est qui voilà. Mais c'est intéressant parce que c'est des personnages qui justement font les connexions. Vous vouliez. C'est pas un livre, il a un nom, mais il était le nom. Ce que je peux ajouter peut-être, c'est sur la question de la fluidité sociale et culturelle. Je ne sais pas si les gens auxquels tu penses peuvent être des Français ou des Européens. Parce qu'il y a quand même, ça c'est une caractéristique, je sais que c'est une image d'Épinal, mais je n'ai pas mieux pour la remplacer, une fluidité possible entre les milieux. Si Brandt avait dû, être soit polytechnicien, soit normalien, soit ingénieur à 20 ans, il n'aurait pas réinventé trois fois sa façon de mettre en pratique une idée communautariste, probablement. Maintenant, peut-être qu'il aurait fait quelque chose de très original dans un laboratoire orange de l'époque, ou qu'il serait allé au CERN, et c'est lui qui aurait fait le web. Je dis absolument n'importe quoi, mais il y a une fluidité sociale, culturelle, probablement, qui fait que l'esprit entrepreneur, qui n'a pas d'équivalent français, par exemple, cet esprit d'entreprise semble naturel pour un certain nombre de personnages, et que j'imagine mal l'équivalent dans Europe. Mais vous voulez dire simplement que c'est pas le même mode de construction des élites. Je travaille beaucoup sur les États-Unis ou sur les archives américaines. C'est typique et c'est pas seulement depuis la guerre, c'est avant la guerre aussi. Et on voit très bien les gens circulent entre eux, le monde de l'argent, des affaires, des fondations. Je suis sûr que derrière le cas du département, il y a des fondations à un moment qui financent quelque chose. Ce recyclage et ce passage d'un milieu à l'autre des traditionnels dans la communauté. S'en étonner, c'est les pures françaises aussi. Oui, bien sûr. C'est chose. Donc, si ça n'avait pas été Brandt, il y aurait eu un autre, il y aurait eu Smith, ou on ne sait pas qui. Peut-être même en réfléchissant au monde de la difficulté humanitaire aux États-Unis, quand on est en Europe, on ne voit pas les choses tout à fait de la même façon. Ah oui, tout à fait. La façon de se constituer un peu par communauté. Je pensais à ce que Pierre disait tout à l'heure au sujet de la difficulté de passer d'une façon de fonctionner qui n'est pas de créativité en même temps, le danger d'introduire des phénomènes rejetés par certains, par exemple une gestion de projet ou autre. Je pense qu'en même temps, c'est peut-être parce que c'est justement les humanités numériques, mais c'est l'évolution qui se fait depuis très longtemps dans le monde des sciences. Et je pense que ce problème-là, on l'a maintenant, parce qu'on est avec ce qui est travaux mêlant dans disciplines diverses et en même temps numériques. Sur la question des infrastructures, et je crois que c'est vraiment ça, c'est les causes d'infrastructures. Et ça, les physiciens, ils sont confrontés depuis très longtemps. Et la négociation sur les budgets, la lourdeur des coopérations internationales, le mode de gestion par projet qu'on ne peut pas éviter parce que c'est trop complexe et qu'il y a trop d'argent. Et que, on y entre un peu aussi pour ça. Je pense que si c'est pas forcément uniquement négatif, il y a des côtés très négatifs qu'il faut gérer, mais en même temps, c'est aussi parce que on se met à penser à des infrastructures dans le domaine des humanités numériques, on se met à penser à une organisation qui va dépasser le niveau individuel ou le petit groupe, et c'est à la fois une chance et qui comporte des risques, mais c'est plutôt positif. Je crois qu'on se sensibilise, empêcher que ça reste, que ça se bureaucratise, mais c'est. C'est aussi pour ça, je pense que c'est pas seulement. Je pense qu'on pourrait réfléchir beaucoup et voir aussi que ça crée des questions. Bon, on peut prendre un seul exemple, c'est l'open access, qui cristallise un peu tout ce qu'on vient de dire. Et c'est aussi la raison pour laquelle, quand Marin Dacos, qui avec toi est en grande partie à l'origine du texte de 2010, du fait d'écrire le manifeste en tout cas, ça c'est sûr, et puis une grande partie des idées. Pourquoi est-ce que Marin Dacos n'est pas un spontanéiste irresponsable? Mais c'est qu'en même temps qu'il fait tout cela, il sait qu'il veut convaincre des dirigeants de faire évoluer les institutions, et que surtout, ça fait 10 ans qu'il construit une infrastructure pour l'open access. Donc là, on a vraiment une évolution d'un milieu. La pensée de l'institution est tout à fait présente, sans quoi, effectivement, ce serait des étudiants qui rêvent entre eux. On ne l'a pas dit à propos des Dat Camp, mais le modèle est intéressant à propos du retour de l'éternel septembre. Ça part de deux étudiants d'université à Washington qui partent en Europe pour un colloque et qui reviennent en disant « Qu'est-ce que c'est ennuyé, écoutez, on ne veut plus y aller, hein, c'est plus la peine de donner des bourses, ça sert à quoi, on s'assied, on écoute des gens, c'était complètement nul, on va faire autre chose, on va faire un unconference, on va faire un non-colloque. Et c'est comme ça que naît le DATCamp. On ne décide pas du programme à l'avance, il est improvisé par les participants le premier jour de la rencontre. On crée des ateliers, ceux qui sont les plus populaires, donc chacun se détermine librement individuellement, il y a des interactions, vont être réalisés le lendemain ou l'après-midi même dans le colloque. Le ZADCamp est conçu comme une contre-culture. C'est un mouvement contre-culturel et contre quelle culture ? Une culture académique classique. Donc il y a ça qui est important. Quoi. Mmh. Vous vouliez dire ? J'ai eu la réponse sur Internet. Dites quand même, alors, c'était quoi la question et quoi la réponse ? Ma question, c'était de savoir, parce que je ne connaissais pas du tout Stuart Brand, et de savoir s'il était San Francisco à la base ou s'il était venu là exprès. Parce que justement, moi, je suis relativement spécialiste du milieu contre-culturel de San Francisco, notamment écologiste. Ouais. Et c'est vrai que ce qui est très intéressant avec San Francisco, c'est que ça agit comme un aimant qui attire les gens des États-Unis, ouais, voire du monde entier, et que ce cosmopolitisme et cette effervescence intellectuelle fait qu'il y a une création de mouvements culturels, contre-culturels, qui est spécifique à la région de la baie. Et c'est pas pour rien si lui il est venu là et que c'est là qu'ils se sont tous rencontrés, et même s'il y a une communauté virtuelle à la base, il y a une communauté réelle, et la coprésence des personnes est importante. Et j'ai une autre question, parce que vous n'avez pas parlé du co-evolution quarterly, dont il est apparemment l'auteur ou l'éditeur, et c'est vrai que dans le milieu écologiste c'est une revue assez importante, dans le milieu d'internet peut-être pas, mais à l'époque, si, mais pas vraiment maintenant. Mais effectivement, cette publication apparaît à un moment donné parmi la foule de publications dont il est l'auteur, l'éditeur. Mais il n'y a rien. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu d'éléments supplémentaires. Je ne sais pas si tu te souviens dans le bouquin. Non. Est-ce que vous vous souvenez quelles étaient les grandes références pour lui, pour cette revue-là? Tout ça part de Bateson ou pas, en gros? Est-ce que... Je ne sais pas, moi, cette revue, je l'ai abordée par le biais d'un mouvement écologiste. Oui. Dans mon souvenir, il ne développe pas beaucoup dans le livre sur ce... Il utilise CQ comme une source, beaucoup de textes, mais il n'y a pas de... Je ne me souviens pas de développement particulier sur CQ, en fait. Je ne sais pas, moi, j'ai une question qui est peut-être incongrue, c'est... Il y a des tas de... On est vraiment dans un univers qui semble extrêmement rationnel, etc. Mais si on va en Californie, ça change complètement. On parle de cinéma tout le temps. On ne s'exprime qu'à travers des images de films. T'as vu ça, ça faisait ça, etc. On fume quand même considérablement de pétards et on tire quelques lignes quand même pour faire de mesures. Et donc, on est quand même sur des modes d'interaction sociales, humaines, etc., qui n'ont pas d'équivalent sur ce bord du continent. Je ne suis pas perçu. Je pense que quand vous êtes immergé dans la société californienne, c'est quand même du fun. Quoi, hein? Et que votre communauté de chercheurs est alimentée d'une pulsation relationnelle qui n'est pas du tout de même nature quand vous êtes avec des collègues allemands, anglais, français. D'accord ? Donc, et ça, c'est, je veux dire, on parle d'imaginaire, on parle d'autre chose, on n'est pas dans la rationalité pure des acteurs, de stratégie de création, ce que vous évoquiez avec les problèmes de budget, la manière dont on structure la recherche, ces programmes, ces autoroutes, etc. C'est vrai qu'on n'est pas là-dedans. Alors, je vous dis ça parce que vous disiez on est obligé d'acheter tout. Hein. On achète tout, on n'achète rien. Si on prend, la créativité, on prend la précarité. Si on prend, voilà. Hein. Mais on n'est pas américain. On est tout le temps dans une espèce de nostalgie copieuse. Par rapport à ce dynamisme, cet enthousiasme, on se pose jamais la question de ce qu'on a de nous spécifiquement fait à apporter. Pourtant, on voit bien que c'est beaucoup de l'imaginaire européen qu'ils ont recyclé et repris dans leur propre forme, et que c'est à partir de là qu'ils rebondissent. Et nous, on ne sait pas faire ce... C'est-à-dire que, voilà, il y a un problème entre idée-action. On apprend des idées pour faire avoir de l'action, on apprend de l'action pour avoir des idées. Et nous, on n'arrive pas à faire ce retour de l'action à l'idée. Je suis frappé par, surtout, le trop de rationnel lorsque nous parlons de ça. Voilà. J'aimerais, franchement, qu'on commence par distribuer des pétards et après on discute. Parce que je trouve que c'est trop contrariant. À penser pour le prochain. C'est... Faut penser. Je trouve que c'est trop contrariant. Alors, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de spécifique, c'est une culture, il y a des références, il y a des images. Disney, c'est là-bas, c'est pas ici. Voilà, nous, alors moi, j'attends beaucoup de Harry Potter, mais bon, on verra si Harry Potter arrive à nourrir un imaginaire européen. Je crois que dans sa version américaine, il a été servi, c'est pas l'anglais britannique. Ah, mais ça m'étonne, ça m'étonne. Le livre écrit a été traduit, expurgé de certains mots qu'on utilise en anglais. Oui, c'est vrai. Dans tous les cas, il y a un imaginaire dans Harry Potter, bon, qui ne cède en rien au Wizard of Oz, donc je veux dire, on peut compter que les générations futures, avec leur futur pétard, auront un imaginaire un peu plus dense et plus appétant. Alors vous avez raison de réintroduire le fun. C'est souvent ce qui se passe dans les milieux des digital humanities. On a évidemment toutes les gammes d'éthos et de comportements. Au niveau de l'élaboration des infrastructures européennes, je ne dirais pas qu'il y a un niveau de fun tout à fait équivalent. En revanche, les dev camps partent vraiment de là. Ils partent vraiment de là. Et selon l'endroit où ils se passent, ça peut être très différent. Hein. Selon que c'est à Florence, à Paris ou en Allemagne, c'est effectivement pas non plus... Même quand on arrive nous-mêmes à circuler parfois dans différents cas, ou en Suisse, par exemple, ça se passe très différemment. Donc ça, c'est tout à fait vrai. Mais l'esprit est là. La question, le piège que signale le livre de Turner, c'est que ce soit une forme de spontanéisme, que ce soit une forme de dérive, d'évasion, pour reprendre les critiques vulgaires de la consommation des pétards. Et donc, d'habillage aussi. Alors voilà, soit d'évasion, je ne veux pas y penser, soit une sorte de privilège, de liberté, que peuvent se permettre ceux qui, de toutes les manières, font partie de l'aristocratie, de l'élite, qui, passé 35 ans, ira de toute façon prendre la place d'éditeur en chef d'une revue qui s'institutionnalise beaucoup plus, deviendront chefs d'entreprise, etc. Ouais. Voilà. Donc c'est compliqué de savoir aussi dans quelle mesure nous avons besoin d'un peu plus de liberté des rapports, et d'imagination, et dans quelle mesure ça n'est pas la couverture au contraire d'un progressisme, justement d'un conservatisme ou d'une réaction. Voilà, c'est toute l'ambiguïté de cette place-là dans cette contre-culture. C'est vraiment ça, c'est la contre-culture des États-Unis des années 60, qui maintenant essentiellement sert à faire des écharpes et des couvertures de disques. Et Apple, qui vend beaucoup plus que les couvertures de disques et les écharpes maintenant. Tout à fait. Attends, c'est une question. Je voulais poser une question. En gros, ce que j'avais remarqué intéressant, enfin, pour moi, dans le livre, c'était qu'il y avait, comme vous l'aviez noté, si on prend une approche plus politique, deux développements en fait, de la cybernétique, la cyberculture d'un côté, qui est plus nomade, avec les liens de communauté, tout ça, et la cybernétique, on pourrait appeler. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a quand même une limite dans le. Il en parle un peu quand on parle des hackers. Il y a une certaine limite, c'est-à-dire que l'État américain tolère en fait le développement des communautés virtuelles jusqu'au point où les hackers en fait commencent à devenir dangereux pour les. Donc en fin de compte, il y a une espèce de. Bon, c'est une interconnexion entre les deux. Ça se voit que le milieu universitaire est en relation, ça le montre bien avec le monde. Des hackers, des communautés informatiques, du web, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une certaine limite dans ce développement. Et est-ce que, en fait, ça serait ma deuxième question, est-ce que vous, justement, dans la Digital Humanities, vous n'êtes pas contraint aussi par une certaine limite étatique, je ne sais pas, parce que vous essayez de créer un mouvement, ça me semble, je ne connais pas du tout, mais qui me semble quand même assez alternatif à l'académisme universitaire classique qu'on connaît en France. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine limite dans votre champ d'action? Parce que moi, je trouve ça très intéressant ce que vous proposez. Mais est-ce que vous n'avez pas une limite? Et si, et justement, quelle est-elle? Moi, j'ai un premier élément de réponse. C'est lisez le manifeste de 2013. Il dit exactement ça. Il dit jusqu'à un certain, enfin, j'en explicite l'inconscient. Mais il dit, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a été rédigé pas seulement par des Français, mais par des Allemands, des Français, il y avait d'autres nationalités aussi. Il dit, jusqu'à un certain point, le mouvement des Digital Humanities a atteint une forme de limite, et donc est en train de se heurter à un plafond de verre, en quelque sorte. Et ce plafond, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un certain nombre de modes de structuration du champ académique qu'il n'arrive pas à transformer. Et donc, la réponse est oui, et on est exactement à ce point-là. C'est pour ça qu'on a voulu ouvrir ce débat, en fait. Vous vouliez juste dire... Oui, je voulais revenir un peu sur ce que disait Eric et sur le problème rapport États-Unis-France. Évidemment, nous, les Français, on a tout de suite quand on réfléchit une seconde aux États-Unis, on pense tout de suite à Tocqueville. Et moi, je pensais à un autre texte de Tocqueville en vous entendant, c'est l'Ancien Régime et la Révolution, qui décrit la Révolution française comme une révolution religieuse. Or, finalement, ce que vous décrivez, c'est ça. Hein, et ça, c'est très frappant, je trouve. Moi, j'avais pas mesuré vraiment la force des communautés religieuses dans l'Ouest des États-Unis. Ça va dans ce que vous disiez. Et donc, le fait aussi que ça, c'est un imaginaire avant d'être quelque chose de vraiment rationnel. Et qu'ensuite, alors, on arrive à hybrider avec toutes sortes d'autres phénomènes sociaux, par exemple la cybernétique et disons le MIT qui vient d'ailleurs, ou bien on s'hybride avec la dérégulation néolibérale, ce qui est complètement stupéfiant. Je trouve. Moi, j'avais jamais compris ça. Voilà, donc là, j'ai l'impression qu'il y a effectivement, dans le terme communauté, c'est-à-dire relié, religion, hein, il y a quand même une espèce d'imaginaire qui permet ensuite cette hybridation et le personnage, finalement, qu'on décrit là, qui est Brandt, qui est une espèce de métaphore à lui tout seul, c'est-à-dire qu'il arrive à conserver l'unité en traversant des champs multiples et en les agrégeant. Donc là, il y a quand même quelque chose de tout à fait spectaculaire, je trouve, et qui est assez religieux de nature. Et voilà. Du coup, redoutablement efficace. Du coup, on en comprend l'efficacité. Et sociale, hein, ouais. Évidemment. Avant d'être quoi que ce soit technologique. C'est surtout un mouvement social. Je crois que vous avez raison d'insister sur l'aspect religieux, mais sur l'aspect d'amalgame aussi, ouais. D'hybridation. Il ne s'agit pas de dire que toute la pensée produite chez Bell et au MIT, tout à coup, s'est retrouvé dans la tête des gens qui étaient dans les communautés. C'était pas ça. Juste que ce sont des références pour eux, que certains des universitaires, des chercheurs se sont alliés, ont rencontré ces communautés, que les communautés ont lu des livres. Ça ne signifie pas qu'on a produit un ensemble stable qui soit un équilibre entre les deux. Et du point de vue religieux, tous ces... Bon, Brand, par exemple, et le catalogue sont aussi un méli-mélo où on trouve beaucoup de bouddhisme zen à la mode et tout ce qui a fait la contre-culture, à savoir des thèmes religieux repris, mais peu conscients d'être des thèmes religieux, aussi laïcisés que ça peut l'être aux États-Unis, disons, sous forme culturelle. C'est la religion sous forme culturelle, véritablement. Ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas sous forme de pratique, les pratiques exposent véritablement, mais c'est ça survit comme universalisme. Et probablement dans une relation avec la nature. C'est une chose qui ne nous intéresse pas directement là, mais qui est très curieuse, c'est cette relation avec la nature qui va de pair pour eux avec la technicité la plus forte du moment. Ça, c'est très, très étrange pour nous, je trouve. Mais encore une fois, peut-être pas tant dans la pensée américaine. C'est intéressant de le point que vous soulignez, parce qu'effectivement, derrière cette histoire spécifiquement américaine des mouvements religieux, c'est bien la constitution aussi du pays. C'est l'exact opposé de la France, dans le sens où ça nous met en rapport à l'État. Et ces mouvements-là, ils sont toujours... l'État maintient une égalité entre tous, y compris la laïcité, enfin, le fait d'être athée, qui est comme une croyance parmi nous. Mm-hmm. Alors qu'en France, évidemment, la relation à l'Église catholique a engendré des tensions très différentes et un positionnement très différent sur le plan de la laïcité, sur le plan de la religion. Et donc la diversité, la liberté, la fluidité, la brevité du mouvement religieux, c'est extrêmement différent de ce que nous on a connu sur le plan religieux. Et donc aussi, ça a un sens pour. Enfin, ça s'est laïcisé, mais ça se retrouve aussi dans les mouvements politiques. Et donc les croisements qu'on peut voir avec certaines extrêmes droites américaines aujourd'hui, à certains discours. Et puis en même temps, il y a la récupération d'un discours, parce qu'on le voit dans les discours commerciaux aujourd'hui, mais moi je m'intéresse à la géopolitique de l'Internet aujourd'hui, dans le discours du gouvernement américain sur la liberté, le côté global qu'il faut laisser absolument dans la constitution même d'Internet, avec la gestion d'Internet. C'est un discours qui est utilisé à des fins politiques. Pour lutter contre, par exemple, la Russie, la Chine, l'Iran, qui aimerait avoir un système plus clos de fonctionnement d'Internet, donc qui mettrait en cause cet aspect global. Et ça, politiquement, géopolitiquement, ça a un sens. Et nous, dans les organisations internationales, on a des débats qui touchent à ça. On a le gouvernement américain qui recycle ce discours et qui fait venir des partenaires qui sont des gens venant de ces mouvements, défendant la liberté d'Internet, qui viennent du monde entreprise. Ouais. Et c'est très typique parce que dans d'autres cultures, dans d'autres États, on va avoir évidemment uniquement le gouvernement, pas du tout les partenaires commerciaux. Il y a une étanchéité entre les milieux et les discours plus fortes. Alors que dans le cas américain, c'est pas du tout le cas, c'est très poreux. Et aussi dans les parcours individuels que dans les discours, ou la version idéologisée aussi des discours, parce qu'il y a une question de télé, un peu politique. Donc, à ce que vous dites, à l'aspect politique et idéologique, on pourrait aussi rajouter la couche d'imaginaire des gens qui ont étudié maintenant l'imaginaire d'Internet, comment on imaginait le cyberespace, etc., qui était aussi cet espace universel. C'est là qu'on trouve l'imaginaire de la nature. Exactement. C'est la nature qui est sujet qui est grandiose, qui est sujet d'émerveillement et qu'on maîtrise aussi avec des grandes infrastructures. Et la métaphore des autoroutes de l'information est très intéressante parce que c'est. Al Gore qui la développe sur l'administration Clinton. Et pourquoi il utilise ce terme? Parce que son père était un sénateur américain sur les années 50. C'est lui qui a lancé les autoroutes. Les réseaux d'autoroutes. Donc, les autoroutes, c'est la structuration du territoire et c'est une métaphore naturelle. Et c'est lui qui défend l'écologie ensuite de manière intéressante. Et c'est pas vu comme une contradiction. Ouais. Parce que c'est la maîtrise de la nature qui est énorme, qu'on voit à la fois la préserver avec des parcs nationaux, etc. Et en même temps, elle est aussi un sujet de tourisme. Enfin, c'est très intéressant, cette connexion-là est très différente dans le rapport que nous on peut avoir. Donc aussi, les mouvements écologiques n'ont pas le même poids, ils n'ont pas le même sens politique. C'est très intéressant. Du coup, ce livre avait fait une synthèse, je trouve, passe d'un champ à l'autre, et c'est très grand, passe d'un endroit à l'autre, mais aussi ça nous permet de. C'est en ça qu'il est intéressant, c'est qu'il me semble que dans un certain nombre de publications des années 90 en particulier, sur l'imaginaire d'Internet justement, on avait des tableaux assez monolithiques et assez monochromes de l'imaginaire d'Internet. Et là, ce qui montre bien, c'est qu'il y a bien un imaginaire d'Internet qui a sa cohérence qui est très forte, mais qui est lui-même très très hybride à l'intérieur même. En fait. Il y a plein d'imaginaires au pluriel, qui ont nourri cet imaginaire d'Internet et qui viennent de milieux sociaux très très différents les uns des autres, qui se sont agrégés. Ça, c'est nouveau. Alors, remarque un peu facile, peut-être qu'une des limites du livre de Turner, c'est que Turner n'est pas américaniste, parce qu'il est américain, et donc il y a peut-être des choses qu'il faudrait étudier dans la façon dont il aborde son sujet. Ben, merci beaucoup de votre présence, de votre participation, et à une prochaine fois, j'espère.